Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour la 270e émission de notre podcast, émission qui sera consacrée à quelques bulles. Ça faisait un paquet de temps qu'on ne s'était pas retrouvé pour chroniquer quelques comics, et du coup pour l'occasion on parlera même d'un film. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 270e numéro de Comic Stories. Et avec moi ce mois-ci, Anthony. Salut, salut. Léo. Et Arnaud qui nous rejoindra tout à l'heure quand on abordera le sujet du cinéma. Alors, on ne s'est pas retrouvé depuis un petit moment, je le disais avant le générique. On va donc essayer de faire un petit peu d'ordre chronologique, parler de choses qui sont sorties sur, non pas le dernier mois, mais peut-être même le mois de mai et juin. Et ce Bloodshot Reborn, tome 4, alors que je n'ai pas lu, j'ai un peu de retard sur les sorties brillantes, là j'ai 3 bouquins de retard quasiment, je me rattrape. Donc je n'ai pas lu celui-ci, mais bon, d'accord. Vas-y, fais-toi plaisir. Ok, je vais pas trop spoiler. Donc c'est donc le quatrième tome de la série Bloodshot Reborn, c'est toujours écrit par Jeff Lemire, c'est dessiné en partie par Miko Soyan et Thomas Giorello. Et donc ça compile les épisodes 14 à 17 plus l'annual. Et ça coûte 19,95€. Alors c'est la suite en fait du troisième tome. Le troisième tome se terminait sur Bloodshot qui se réveillait après ce petit trip Mad Maxien qui n'était en fait qu'une manipulation du projet Rising Spirit. Et donc ce quatrième tome poursuit là l'intrigue principale, et Bloodshot va devoir se démener pour s'extirper des griffes du projet Rising Spirit. La petite nouveauté, c'est que en fait sur cette île qui est une sorte de zoo expérimental qui regroupe en fait tous les Bloodshot qui ont parcouru l'histoire moderne, donc de la Première Guerre mondiale jusqu'au dernier Bloodshot en fait. Et on est dans un, alors là où le tome précédent on était sur une influence Mad Max, ici on va être sur quelque chose d'un peu plus, enfin même de carrément Predator, c'est-à-dire qu'on est dans une jungle tropicale et les Bloodshot, il y a aussi un chien Bloodshot d'ailleurs, et donc tout cette troupe militaire surentraînée va se faire traquer par une entité spectrale électrique dont on va découvrir l'origine et les potentiels liens qu'elle a ou pas avec les ou le Bloodshot. Donc c'est très intéressant. Ça marche toujours aussi bien. J'ai l'impression qu'en fait Lemire réalise un exercice de style autour du thème le Bloodshot, c'est-à-dire que là où dans les deux premiers tomes on est sur du polar, le troisième sur un trip post-apo Mad Max, et là sur un film de type Predator, j'aime bien en fait ce parallèle qu'il arrive à faire entre des grandes sagas, des grandes thématiques ciné avec son thème global qui est le super soldat. Ça marche toujours très bien, les manipulations du projet sont assez morbides puisque la conclusion est assez marquante et la suite devrait être tout aussi dingo. Donc ouais, voilà, je vais pas trop en dire. Graphiquement, c'est toujours aussi travaillé, toujours aussi expressif. Voilà, on a vraiment cette sensation de track constante. Donc c'est vraiment une super lecture cette série. Ça ne diminue pas en qualité. Donc je conseille. Ça reste une super lecture. Très bien. Faudrait que je m'y mette quand même. Il y en a un autre qui est sorti chez Bliss Comics récemment, dont j'avais dit plutôt du bien à l'époque où c'était sorti. Alors j'en ai encore un lointain souvenir, toujours agréable, mais ça semble pas être ton cas. Non. Du coup, je le résume et après on discute. Vas-y. Ok. Donc c'est Book of Death. Donc c'est écrit par, c'est toujours chez Valiant. Donc c'est écrit par Robert Venditti et c'est dessiné par Robert Gill et Doug Braithwaite. Donc deux habitués, enfin une équipe habituée de Valiant, et donc ça vaut 24,50€. Donc en fait c'est la suite de l'intrigue qui a été mise en place dans The Valiant, qui est que donc le guerrier éternel qui est le garant du géomancien, donc qui est cette incarnation de la protection de l'environnement, on va dire, donc chez Valiant, et donc ici il va protéger la dernière géomancienne en date contre une sorte de démon qui lui a perverti un autre géomancien. Donc en fait il y a deux géomanciens qui s'affrontent, l'une est l'incarnation de la biodiversité on va dire, et l'autre de la mort et de l'assèchement de la planète en gros. Et personnellement j'ai pas trouvé ça très bon. La faute à une banalité absolument flagrante, c'est-à-dire que c'est jamais épique, c'est jamais grandiose, que ce soit graphiquement ou dans la narration. J'ai trouvé que le road trip, puisqu'évidemment le guerrier éternel est obligé de fuir constamment, puisque le grand méchant est constamment connecté à la géomancienne, évidemment. Donc voilà, c'est une fuite vers l'avant sans jamais d'affrontement. Le combat final, j'ai trouvé ça ridicule en fait. Ça se conclut de manière vraiment comme un petit pétard mouillé. Et globalement, c'est assez récurrent chez Valiant, les entre guillemets events qui sont censés réunir les différents héros qui constituent cet univers, puisqu'il y a aussi du coup l'équipe Unity qui intervient, qui se fait bananer sur 2-3 pages. Donc c'est pareil, ça, j'arrive pas du tout à prendre au sérieux cette équipe là où les héros séparés et chacun dans leur titre sont assez invincibles. Bizarrement, quand on les fout ensemble, ils sont nuls en fait. Donc ouais, ça m'a pas du tout marqué et ça m'invite pas à poursuivre la lecture des events Valiant. Et globalement, tout ce qui touche au guerrier éternel finalement ne m'intéresse pas spécialement. Alors ce qui est bien, c'est que c'est pas réellement nécessaire pour la compréhension de l'univers Valiant. Alors ça le précise et ça l'entraîne vers l'avant, mais c'est pas pour autant une lecture indispensable. C'est dommage. Voilà. Donc ouais, c'est mon avis. C'est pas indispensable pour la compréhension globale, ça on est d'accord. Après, de base, tu n'as pas l'intérêt du guerrier éternel que j'ai. Donc ouais. Forcément, déjà, je pars avec ah bah cool, je vais le retrouver, ça va être une histoire avec lui au cœur de tout ça. Après cette histoire de voir aussi, j'avais apprécié aussi voir la fin des personnages. Oui, parce que voir cette projection un peu vers le futur, puisqu'il y a aussi tous les one shots qui annoncent, nous racontent un peu la mort des personnages principaux, et du coup voir ça m'a fait plaisir et j'avais apprécié ça, puisque je ne doutais pas au moment de la lecture, je ne doutais pas une seconde que ce qu'on nous donnait là, c'était la vraie fin des personnages. Oui, c'est vrai que c'est les différents one-shots qui donnent un aperçu de ce que sera ou ce que serait la disparition des grandes figures valiantes. Alors en tant que lecteur Marvel, je suis un petit peu frileux par rapport à ces projections vers le futur parce que bon, je comprends, c'est clair. Du coup, moi je le prenais vraiment comme quelque chose de on nous raconte la vraie fin. On sait pas quand elle arrivera, on sait pas, etc. On sait pas si ça arrivera exactement comme ça, puisqu'il va y avoir des autres événements qui vont avoir lieu, et puis les événements de Book of Death en eux-mêmes ont sans doute changé ces choses-là. Mais en tout cas, c'était la fin réelle telle qu'elle devait avoir lieu à ce moment-là. Il y aura sans doute des différences au moment où ça arrivera, si ça arrive un jour. Mais je trouvais la proposition du coup intéressante. Une remarque, c'est en fait c'est sur le un one shot qui est moi que j'ai préféré, c'est celui sur Ninjak, qui en fait la fin de Ninjak permet la lancée du Néo Japon, et j'ai trouvé ça très astucieux parce que ça veut dire que la fin d'un héros que j'apprécie plutôt, ça permet de lancer en gros l'univers 4001, et j'ai trouvé ce procédé assez bien vu. Puisque l'univers 4001 existe dans l'univers Valiant, puisque ça constitue une des séries du catalogue. Donc cette petite trouvaille marche plutôt bien, et c'est un bon point. Oui, voilà, ça fait le lien avec Raiko. Du coup, jusque-là était déconnecté, enfin puisque très loin dans le futur, etc. Donc on se demandait bien. Voilà. Effectivement, maintenant il y a ce lien qui est amené par Ninjak. Et puis c'est aussi le prochain event du côté de chez Valiant, c'est 4001 AD. Oui. Donc du coup, c'était aussi un petit teasing sans doute pour annoncer cet event, ouais, qui arrive en fin d'année normalement, je crois, si j'ai bon souvenir. J'ai un souvenir franchement assez ancien de Book of Death, parce que c'est sorti quand? C'est sorti en 2015 en VO, donc ça fait 2 ans que je l'ai lu déjà, parce que je l'avais lu en VO à l'époque. Voilà, j'ai ce souvenir d'un récit que j'avais apprécié, de retrouver le guerrier éternel, d'avoir cette fin des personnages que j'avais trouvé assez intrigante, intéressante. Maintenant, il faudra que je le relise en VF, hein, je l'ai, donc du coup, il faut que je le relise maintenant avec un peu de recul et en ayant connaissance aussi de certaines séries qui ont eu lieu depuis, voir si je le vis de la même manière. Voilà, C'est ça sera. dommage, non? C'est dommage, n'empêche. Enfin, vous dites que c'est la suite de l'Event, moi, c'est l'Event que j'ai lu, du coup. Mais 24,50, c'est pour combien de pages? Il y en a pas mal, hein. Je vais te dire ça. Alors attends, je suis Il y a sur le les site quatre de numéros de la série Bliss. principale et puis il y a tous les one shots, il doit y en avoir quatre ou cinq, donc Il y a 4 one shot plus, il y a 4 séries dans, enfin il y a 4 numéros dans la mini-série et il y a 4 one shot, donc tu dois être sur une petite 200, autour de 200 pages, je pense. ouais bah quand même ouais Peut-être même plus, hein. mais 304 oui pages, c'est ça, pardon, oui, c'est plus autant de pour moi. 300 pour moi, ouais. Voilà, plutôt 304 300 pages. pages pour un prix pareil, mais enfin c'est dommage dans ce sens-là parce que enfin le Valiant, l'Event, moi que j'avais pu lire, donc était quand même bien. Et si c'est pour repartir sur autre truc et Bah pour te donner un ordre d'idée, moi j'ai pas spécialement apprécié non plus The Valiant. Donc ah, là d'accord. j'ai pas aimé, enfin j'ai pas aimé. Ça m'a pas particulièrement marqué. Donc après si t'as vraiment aimé The Valiant, vu que c'est la suite, je te le conseille quand même. Ouais, et ça, il y aura pas de tome après celui-là, du coup, j'imagine. Bah il y aura pas de Book of Death 2 maintenant, ça m'étonnerait pas que Valiant traite la suite de cette histoire dans une Oui, autre mini-série. repart faire un tour dans le futur ou peut-être voir justement si certains événements qui ont eu lieu depuis ont changé ça ou pas. Puisque le guerrier éternel était dans la série Rise. Ouais. J'irai peut-être faire un tour dans ce cas-là pour voir, enfin, par Voilà, souci. la porte est ouverte, ça peut se lire à part, il n'y a pas besoin enfin, c'est pas nécessaire à l'univers Valiant, donc on peut tout lire les autres séries Ouais. et faire l'impasse sur Book of Death, c'est pas un souci, parce que c'est ce qui est d'ailleurs valable avec chaque série de Valiant, hein. C'était fait pour, hein, le The Valiant, il était fait pour ceux qui avaient jamais lu, etc. C'était censé être vendu comme une bonne porte d'entrée, donc après Bah, Book tout, of Death, ce sera voilà. pas une porte d'entrée pour moi, par contre. Non, non, c'est pas une porte d'entrée. Non, mais c'est pas, j'irai voir du coup. Bon, ok. Bien, bon, on va s'arrêter là pour notre petit passage Valiant, hein. Il y a d'autres choses qui sont sorties. Il y a notamment The Delinquents qui est fait suite à Quantum and Woody et à Archer and Armstrong, puisque c'est un crossover entre les deux séries. Voilà, que j'ai chopé, que j'ai pas encore lu. Par contre, la petite mention spéciale pour le jeu de société qui est offert avec voilà, exclusivité mondiale pour la France. Voilà, le jeu de société n'a même pas été proposé en VO. Il a été construit à partir de variantes cover. Des numéros de Delinquents. Donc c'est cool, Bliss nous l'a proposé. Voilà. Il est plutôt bien foutu, donc voilà, sympa. Maintenant, j'ai pas encore lu le truc, donc j'en parlerai quand je l'aurai vu. On va passer du côté des super-héros, on va dire, plus classiques et de l'univers Marvel, avec deux séries un peu Là, parallèles. pour le coup, la première n'est pas classique du tout. Voilà. Puisque, ouais, puisque c'est Moon Knight, donc la suite du premier tome qu'on avait particulièrement apprécié lors de la review. Donc c'est donc le deuxième tome qui s'intitule Incarnation. Donc c'est toujours écrit par Jeff Lemire avec comment dire, une quantité assez astronomique de dessinateurs. Puisqu'on a du Wilfredo Torres, du Francesco Francavilla, du James Tokoe, du Greg Smallwood. Et donc chacun, j'y reviendrai, vont dessiner comment dire, une scène particulière. Donc ça Tu vas être compile un les tout petit numéros. peu près de ton micro, Anthony, parce que D'accord. ça sature et grésille un peu. D'accord. Donc ça compile les numéros. C'est mieux? Ouais. Ok. Les numéros 6 à 9, plus alors un Moon Knight de 1980. Alors c'est clairement pour faire du remplissage. J'aurais préféré avoir les numéros 6 à 9 et avoir un album moins cher, plutôt que de me taper un truc des années 80 pour le mettre à 13 euros. Ou à 14,95, je ne sais plus. Bon, c'est déjà le cas. Enfin, ce format-là était le même en VO. Panini a simplement copié l'édition. Bon, c'était peut-être pas la meilleure solution. Alors, donc à l'issue du tome 1 qui se terminait de manière complètement folle, puisque Moon Knight s'était perdu dans une New York ensevelie sous la Néo-Égypte, et finalement, il se réveillait dans sa chambre aux côtés donc de sa douce Charlène, et on savait plus si c'était un rêve, si c'était la réalité. Donc on était un petit peu perdu là-dedans. Et donc en fait, ce deuxième tome va traiter des différentes personnalités donc de Mark Spector, à savoir Steven Grant, qui lui est donc un producteur de cinéma, Jake Lockley, qui est un chauffeur de taxi, et une dernière identité qui est un Moon Knight du futur qui doit faire face à une invasion de loups de l'espace. Wow. Et donc en fait, ces différentes histoires, donc ils sont illustrés par un dessinateur différent. Donc il y a aussi les identités visuelles sont différentes sans être incohérentes entre elles. C'est très très fort de ce côté-là. C'est différentes, c'est même plus des timelines, mais ces différentes réalités immatérielles finalement vont s'entremêler et le découpage et le storytelling et les sauts entre ces différentes rêveries, c'est franchement c'est de la dinguerie parce que c'est fait au millimètre. Le changement de dessinateur, c'est pareil, c'est orchestré, mais alors avec une précision de folie. On passe d'un truc à l'autre, c'est-à-dire que par exemple Moon Knight saute d'une fenêtre, par exemple sur le tournage d'un film. Donc, qui est orchestré par Steven Grant. La case d'après, il sort de la même fenêtre, mais du coup, dans cette timeline du futur, pour ensuite, quand il atterrit, par exemple, bah, c'est par exemple, le chauffeur de taxi qui est tombé par terre. Enfin, c'est une succession d'enchaînements, de dessinateurs, de cases et du coup, de dimensions. Et c'est ultra propre à lire et à suivre. C'est une maîtrise dans le storytelling qui est assez incroyable. Entre ça et le Black Widow tome 1, je trouve que c'est deux albums qui graphiquement sont vraiment des références pour moi en tout cas. Et en fait, l'intrigue, ça va être comment Mark Spector, qui est finalement la personnalité 1 de Moon Knight, du personnage initial, va réussir à calmer ses différentes identités pour pouvoir donc se retrouver, se compléter, être à nouveau unis. Et pour pouvoir aller affronter la grande menace que je vais pas révéler. Et au final, on en vient à se demander, est-ce que cette New York ensevelie sous les sables égyptiens, est-ce que ce serait pas... Ah, alors là, tu as eu un bug, Anthony, je ne t'entends plus. Non, non, non plus. Bon. Alors qu'il allait nous donner le fin mot de la fin. On est en plein suspense. Quelqu'un nous l'a On censuré, poste. visiblement. Ah, ça y est, te revoilà. Mais alors, on t'entend plus depuis 30 secondes, Anthony. Ah, pardon. Voilà, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu es passé, voilà. D'accord, Donc on est ok. en plein suspense. Quelqu'un t'a D'accord. censuré? Donc, ouais, censuré, parce que c'est trop bien, du coup, Panini me coupe. Donc, ouais, non, je disais, on ne sait plus si tout ce qu'on voit c'est vrai, si ça fait partie d'une personnalité plus profonde, si c'est effectivement la réalité, mais alors si c'est la réalité, pourquoi ça n'impacte pas plus l'univers Marvel que ça, parce que on a quand même une New York qui est ensevelie sous les sables. Voilà, c'est vraiment génial si on accepte d'être un petit peu voilà lâché entre des liens fictifs, enfin des liens voilà immatériels, intangibles entre les différentes cases. C'est ultra plaisant et ça constitue peut-être une des meilleures séries Marvel actuelles. Et pareil graphiquement, c'est bon, je l'ai dit, c'est vraiment une dinguerie totale. Donc un tome absolument obligatoire. Ok, et le Black, je l'ai pas lu non plus, enfin j'ai Ouais, quasiment je te le rien conseille. lu ce mois-ci. Et le Black Panther tome 2, est-ce que c'est une dinguerie totale aussi? Non, c'est pas une dinguerie totale. C'est très, enfin, c'est bon. Alors le tome 1, donc c'est toujours écrit par Ta-Nehisi Coates et dessiné par, alors c'est Chris Prusse. Sur le premier tome, c'était du Brian Stelfreeze. Ouais, ça, c'est bien Chris Prusse. Donc le premier tome, ça m'avait pas extrêmement plu. Je l'ai relu avant ce tome 2 et en fait, ça constitue une maxi intrigue sur plus de 8 numéros puisque la fin du deuxième tome ne conclut pas cette révolution qui touche le Wakanda. Et les deux tomes à la suite, c'est vraiment beaucoup plus appréciable puisque il y a toujours comment dire, cet univers d'Afrique centrale qui est jouissif vraiment parce qu'on sent que c'est réfléchi, c'est pensé. Il y a beaucoup de noms qui sont lâchés, des tribus, des références à l'histoire du Wakanda, à comment il s'est construit, cette alliance entre avancée scientifique et être à la tête enfin, du pays le plus avancé scientifiquement, mais qui est empreint de traditions chamaniques toujours présentes. Donc cette dualité fonctionne toujours aussi bien. On a une petite dénonciation du comment dire du soldat blanc qui vient investir les denrées rares d'un pays africain. On a pareil cette illustration de certains pays africains qui sont gangrénés par la corruption et les guerres civiles, ça marche toujours super bien. Tout le background autour du Black Panther, c'est jamais poussif et c'est toujours présenté comme faisant partie du personnage, c'est jamais balancé comme ça bêtement. Je trouve que la série s'améliore vraiment et globalement mérite d'être lue. Graphiquement, c'est assez propre. Il n'y a jamais vraiment de folie graphique. Pareil, c'est ce qui me manquait dans le tome 1 pour un univers qui mélange science et mysticisme. Ça me manque un peu de compos un peu stylés. C'est vraiment c'est quelque chose de très agréable à lire et de très différent, notamment dans le visuel, puisque voilà, un environnement d'Afrique centrale, c'est assez inédit, puisqu'on est quand même beaucoup plus habitué au Queens, à New York, à des grandes mégalopoles. Donc, là, je trouve que ça fonctionne, le côté exotique fonctionne bien sans être cliché, en fait. Donc, globalement, je recommande, même si je mettrais plutôt un avis moyen, quoi. C'est une lecture, mais c'est pas un achat obligatoire. Ok. Avant de faire un petit bilan de Et Civil War, oui. juste une remarque, la couverture est somptueuse. Donc, Oui, ça pour change. le coup, ça mérite d'être souligné Oui, c'est et clair. ça vraiment, ça rassure à l'achat. Enfin, ça rassure. Donc, ça invite à l'achat, contrairement à d'autres albums. Voilà. La couverture de Moon Knight n'était pas dingue, hein, par exemple. Oui, non, non, il y a des couvertures beaucoup plus sympas à l'intérieur. Bon, mais celle de Black Panther est vraiment sublime. Voilà. Ouais, ça change, c'est vrai, il faut le dire. Allez, avant de faire un bilan de Civil War 2, on va faire une petite pause Marvel et une petite pause pour toi, Anthony, en même temps. Je vais vous parler de Descender, tome 3, qui est une des grosses sorties du mois de ce début de mois de juin, ou alors de cette fin de mois de mai, peut-être même. Non, début de mois de juin. Chez Début Urban de mois de juin. Comics. Descender, tome 3, qui s'appelle Singularité au pluriel. Et qui, grosso modo, est un tome de transition. Donc, c'est tout ce que j'aime pas trop, en fait, dans les séries. C'est des tomes de transition. Vous pouvez s'en douter, hein. Troisième tome, souvent, c'est dans beaucoup de séries indépendantes comme ça, chez Image et compagnie, on a beaucoup de cas où le troisième tome, c'est un peu, une petite pause, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a, cinq épisodes, on va dire même, qui sont consacrés chacun à un personnage. Et qui reprennent la même forme, c'est-à-dire il y a 10 ans, il y a 3 ans, il y a 6 mois. En gros, c'est ça. Donc, on nous raconte où étaient les D'accord. personnages il y a 10 ans au moment de l'attaque des moissonneurs, et puis comment ils ont traversé ces 10 années à travers 2 ou 3 étapes. Souvent, il y a 3, 4 ans, on nous raconte un truc, et puis sur les dernières semaines ou les derniers mois, on nous raconte autre chose. Donc, du coup, on va voir. Alors, c'est intéressant parce que du coup, on a les origines de Team 22 dans un premier épisode. On a aussi toute l'histoire autour du Foreur. Le gros robot là, qui est assez touchante d'ailleurs, une histoire très très touchante. On nous parle aussi de Andy. Qu'est-ce qui s'est passé pour Andy pendant ces 10 années? Qu'est-ce qui s'est passé aussi pour mince la jeune fille, mince, j'ai oublié son prénom. Et ça ne me reviendra sans doute pas. Donc c'est pas grave. Qui se trouve la femme d'Andy en fait. Bref, ceux qui ont lu comprendront. Je vois. Donc on a ces quatre personnages, on a même une partie sur, je crois, Telsa, Capitaine Telsa aussi. On nous raconte un peu ce qu'elle a vécu aussi pendant ces 10 ans. Donc c'est intéressant en termes, surtout pour Team 22, pour Andy, pour le Foreur. Voilà, c'est intéressant de savoir d'où ils viennent, etc. Mais ça aurait fait de super backup, en fait. Est-ce que si jamais bon, problème de budget, pas envie d'acheter et tout, ce tome il saute ou pas? Je suis pas sûr, parce qu'il y a des choses qui sont Ah merde. placées quand même. D'accord, bon Parce je que dors pas cette nuit. à la fin des épisodes, ça se passe dans le présent ou dans un passé très très proche, et il y a des choses qui convergent dans le dernier épisode du tome, qui est l'épisode 16. Il y a des choses qui convergent dans tout ce qu'on a vu, etc. Ces personnages se retrouvent, etc. Et on comprend mieux pourquoi ils en sont là. D'accord, bon. C'est pas indispensable, mais c'est pas dispensable non plus. J'ai envie de dire. Donc, Oui. ouais, il faudrait que je lise le tome 4 pour voir si vraiment on fait écho à certaines choses. Et je pense qu'il y a certaines choses qui vont nous ressortir. D'accord. Voilà. En tout cas, ça nous permet de creuser les personnages, de les rendre plus humains, ce qui est assez rigolo pour les personnages robotiques, ou de les déshumaniser même pour certains. Donc voilà, c'est assez. Ça reste intéressant, ça reste super bien écrit, ça reste du Jeff Lemire, et quand Jeff Lemire creuse ses personnages dans les séries indies, ouais, c'est toujours en général réussi. Mais voilà, moi franchement, ça aurait fait des super backups sur le quatrième arc. Ils auraient pu, voilà, ajouter, condenser ça sur 10 pages par personnage et en faire un backup et on avance en même temps que le prochain arc. Après, faire tout un arc là-dessus, bon, c'est un peu redondant en plus sur la structure, mais ça reste génial, ça reste, voilà, Destiny Nguyen, voilà, ça reste encore magnifique au niveau des dessins, c'est incroyable de poésie et de richesse, tout ça. C'est à lire quand même, vraiment. C'est quand même quelque chose qu'il faut, voilà, qu'il faut lire quand on aime Descender autant que je peux l'aimer et que je pense vous pouvez l'aimer aussi. 120 pages, 14 euros. Voilà, c'est sorti le 2 juin. C'est pas le meilleur des trois tomes, mais ça reste quand même hyper sympa. Et ensuite, pour terminer, avant de parler de l'Amazon, on va faire un petit bilan. Donc, je disais de Civil War 2, maintenant que c'est terminé en kiosque. Civil War 2, cet event de l'amour, n'est-ce pas? Ouais, bah Civil War 2, donc bah, vous avez les six critiques, puisque Panini a édité ça étrangement en six numéros, alors que il y avait clairement moyen de faire ça au moins en cinq, et donc de décourter, de fluidifier la lecture. Ouais, mais de gagner 4,80 € en moins multiplié Oui, par le nombre de lecteurs. il n'y a pas de petit prix. Commercialement, c'est oui, effectivement, c'est évident. Maintenant, pour l'appréciation et vraiment le confort de lecture, moi, j'aurais fait ça au moins en 5, et il y aurait eu moyen de faire un, peut-être pas en 4, mais au moins en 5. Et puis, ça aurait permis d'éviter ce relaunch qui arrive en même temps qu'Urban et de gagner un mois, et du coup, de leur mettre un mois dans la vue par rapport au numéro 1. Et en passant. Bah, surtout quand on parlait de relaunch, voilà quoi. C'est un peu Ah triste bah d'un autant il y côté. en a un qui est pas justifié, autant il y en a un à le relaunch d'Urban d'un point de vue qualitatif, je suis pas emballé, mais bon, c'est un autre débat. Oui, voilà, après au moins il est justifié, mais enfin, moi, le relaunch Oui. Panini, c'est un peu le relaunch de la tristesse. Hein. Je suis d'accord. Bon, du coup, Civil War 2, bah moi, tout ce que je peux en dire, c'est que c'était pas du tout légitime et c'était motivé uniquement par des considérations cinématographiques, puisque l'introduction était sortie. Quasiment en même temps, voire même en même temps que le Captain America, donc c'est Captain America Civil War. Donc voilà, c'était vraiment pour surfer sur le passif glorieux de cet arc narratif et de se servir de la renommée du cinéma pour lancer cet event. Voilà, c'est la légitimité du truc qui est totalement nulle. C'était moi la critique principale que je pouvais faire lors de l'introduction. Introduction qui s'est finalement révélée être, ma foi, plutôt excellente puisque c'était sérieux. On rentrait vite dans le sujet. Les enjeux étaient posés et étaient posés correctement. Il y avait une montée en pression. Plutôt très juste, avec une vraie menace, un vrai, comment dire, un vrai sous-texte qui est intéressant, hein, le thème du profilage, c'est quelque chose la question peut être posée et la réponse n'est pas évidente du tout. Donc le conflit qui oppose les héros, comment dire, est logique. Maintenant, la manière de le traiter et donc ce qui va constituer globalement le cœur de l'event est beaucoup plus bancal puisque premièrement les héros sont globalement assez idiots je trouve dans leur réaction et dans la manière d'échanger sur les différentes morts qui marquent les épisodes. Moi, pour des personnages qui ont tant d'expérience, de continuité et qui ont vécu tant de drames, ça me paraît globalement beaucoup trop surévaluer leur réaction, mais bon, passons. Il y avait aussi ce problème de rythme. Ce qui fait que Bendis monte très vite en pression au départ, redescend, remonte, combat, redescend pour finalement remonter à la fin. Donc on sait plus trop où se mettre. Est-ce que c'est un affrontement éthique et moral? Est-ce que c'est un affrontement purement physique? Je saurais pas trop dire finalement. Bon, le fait est qu'à la fin, ça se termine évidemment dans une action totalement folle et magnifiée par un David Marquez, bon, qui est magnifique, même si voilà. Je l'avais aussi souligné, enfin, je trouve que certaines cases sont plutôt vides, notamment dans les fonds. C'est bon, c'est un espèce de fondu qui donne un aspect de vitesse. Bon, c'est un peu misérable. Maintenant, l'aspect personnage est vraiment rendu de l'action est assez incroyable. Et la fin, moi, m'a plutôt plu parce que bah, ça conclut correctement. Voilà, ça ferme vraiment la barrière de l'intrigue, enfin ça ferme la porte de l'intrigue, ça en ouvre d'autres puisqu'on a cette séquence de pleine page qui permettent d'avoir un aperçu de ce que sera potentiellement le Marvel en comics, futur qui semble plus ou moins se réaliser puisque c'est des choses qui sont sorties maintenant en VO. On a le cas Miles Morales qui est très intéressant. Pareil, Carol Danvers qui assure et assume cette fonction de leader dur mais aux motivations claires. L'entrée en matière était très bonne et la conclusion est plutôt bien réussie aussi. Donc l'event n'est pas la catastrophe que je pensais lire et que les critiques VO m'ont vendu. Donc moi, c'est pas évidemment le meilleur event que j'ai lu, mais c'est bien meilleur qu'Axis, c'est bien meilleur que Death of X tout récemment, par exemple. Ce sera sans doute meilleur que IVX. Donc je trouve que Bendis a réussi à sortir son épingle du jeu. D'accord. Bon bah on en avait parlé vite, on en a parlé entre nous déjà, hein, mais bon l'introduction je partage tout à fait. Voilà, j'ai failli me faire avoir, quoi. J'ai failli me faire avoir sur cette introduction qui était géniale. Voilà, le lancement franchement, voilà. Et au final quand on regarde ça avec du recul, ben j'ai envie de dire so what. Qu'est-ce que nous a fait Bendis en fait? Il nous a teasé à mort, enfin sur le début, il nous a lancé ça de manière presque parfaite, comme il sait très bien le faire, sur des considérations cinématographiques, très bien. Et au final, à quoi a servi Civil War 2? Bah, à faire du teasing, avec au passage une Bah, histoire avec. ça. Oui, c'est juste du teasing sur le fameux Marvel No, c'est comment il s'appelle celui-ci? Marvel No? Oui, C'est Marvel, non, oui. ça, c'est nouveau, à nouveau Marvel No? Voilà, c'était juste du teasing pour le Marvel No, histoire de changer le statu quo d'un personnage. Ce qu'on aurait très bien pu faire enfin autrement, faire disparaître des personnages d'une manière anticlimatique au possible, parce que voilà, enfin on a quand même un des personnages les plus importants de l'univers Marvel qui passe quand même dans cet event, et tout le monde s'en branle. Oui, on s'en branle, mais bon, ça fait maintenant très longtemps que ce personnage Marvel Oui, n'a plus réellement sa place, on ne quoi. lui offre même pas une fin un peu épique, un peu émouvante, un peu truc, rien quoi. C'est oh, pouf, quoi. Il est mort. Bon, ok, il est mort. Bon, on continue à se foutre Bah, sur c'est la gueule toujours mieux que parce la que mort du voilà, Scott c'est Civil Summers. War et il faut quand même qu'on se batte. Hein. Donc voilà. Après, Captain Marvel, je suis désolé, mais c'est une vraie conne. Enfin là, elle est caractérisée comme une connasse. Il n'y a pas d'autre mot. C'est ça. Elle réagit. Je ne comprends pas comment. Les deux arrivent à se mettre en opposition alors qu'ils pleurent les deux. Pour l'un, son meilleur ami, pour l'autre, son petit ami. Au lieu de se réunir dans cette espèce de douleur, dans ce deuil, etc., essayer de trouver quelque chose, machin, tout ça, bah non, la première chose qui vient, c'est on va se foutre sur la gueule parce qu'on se déteste. Ah oui, ça, je suis d'accord, c'est idiot. Non, on se déteste pas. Enfin, voilà, ça repose sur rien, ça n'accouche de pas grand-chose au final. Bon, voilà, hyper, hyper déçu. Bon, bah, ça fait des beaux artbooks, quoi, mais. Mais c'est tout, quoi. Non, non, j'ai. Ouais. Ça a fait flop. Ça a fait flop pour moi sur la. Plus ça avançait, plus je lisais ça parce que je l'avais commencé et que de toute façon, il fallait bien que je le finisse parce qu'il me restait que deux kiosques à acheter et que bon, bah voilà, quoi. Autant finir l'histoire. Mais franchement, non, ça n'a rien apporté à part du teasing bien lourd et bien sale en plus. Donc. Bon, allez, c'est pas grave. IVX, je vais passer de toute façon, surtout Ah oui. vu le désastre de Book of Death. Maintenant, on va Death of tous. X. Oui, Death of X, merde. Death of X. C'est un Versus. énorme. Voilà, C'est une maintenant, on va purge tous totale. se tourner vers Monsieur Spencer. Voilà, lui faire toutes nos louanges et voilà, et attendre. Oh que oui. Avec impatience que le public français découvre cette merveille qui est Secret Empire. Et puis voilà, vous avez au moins une belle année du côté du magazine Iron Man. Bah, disons que je sais pas si ce sera bien, mais au moins ce sera construit et ce sera vraiment consolidé. Enfin, ce sera amené sur une base qui maintenant est mise en place depuis un an et demi, quoi. Donc, Non, mais c'est ça. Et puis, au alors, moins. vas-y. Ouais. Vas-y. Non, t'as fini? Non, Je... je croyais Ouais, que t'avais vas-y. un autre Ouais. truc. Non, non, c'est bon, c'est bon. Si on compte le numéro 0, si on compte le numéro FCBD et comment? Et les trois chapitres, je crois qu'il y en a trois qui sont sortis. Bon, on est déjà à cinq parties sur Secret Empire. Le quatrième arrive. Ah, vient de sortir. Il est sorti le 14 juin, mais je l'ai pas encore lu. Bah voilà, pour le moment, sur ces cinq premiers chapitres, en tout cas que j'ai lu, ouais, ça se tient hyper bien et ça, c'est assez incroyable. Et je ne vois pas comment ça pourra retomber d'ici la fin. Ouais. Donc non, non, on tient peut-être le gros event Marvel qu'on attend depuis peut-être 8-10 ans, depuis Civil War, premier du nom. Donc c'est très bien, c'est très bien. Et encore une fois, c'est au tour de Captain America. Très Voilà, je voulais pas faire de conclusion, mais vous la voyez. Non. On va passer. Bah, de toute manière, Ouais. non, c'est bon, je vais rien dire. Oh, si, vas-y, vas-y, troll. Non, mais je disais, à force de nous balancer dans la gueule sa putain de double page avec Miles Morales et son Captain America empalé, bon, j'ai peu d'espoir Bah, quant à la fin. j'espère que Spencer va la faire à l'envers. Ouais. Parce que ce qu'on voit, enfin, clairement, ce qu'on voit, on ne voit pas Miles tuer Captain America. C'est vrai, c'est vrai, c'est très vrai. Et j'ai un peu l'impression qu'on veut trop nous Oui, amener là-dessus pour que, voilà, ça se trouve, c'est juste lui qui va le ramasser. Et je pense que ça sera ce qui se passe. Ça va être le en fait, premier arrivé sur. la vision d'Ulysse, c'est de la grosse merde, quoi. Ah, la vision d'Ulysse, En tout cas, ce c'est personnage. Miles Morales qui tient Captain America mort au sol. Mais eh, un plus un ne Oui, fait pas c'est toujours. vrai. Effectivement. Allez, on va passer à la suite. La suite, c'est quoi? On va parler un petit peu de Wonder Woman. Alors, Wonder Woman, on a eu droit à deux choses très récemment. Un tome 1 de Wonder Woman Rebirth, c'est ce dont on va parler pour introduire un petit peu notre propos sur les personnages. Et puis, évidemment, le film de Patty Jenkins avec Gal Gadot, dont on parlera juste après cette petite introduction origine, en se basant donc sur le tome 1 de Rebirth. Que grosso modo, Anthony, sans spoiler, on a moyennement apprécié. Oui, très clairement, oui. Je le fais. Vas-y. Je présente le truc. Vas-y, vas-y. Ok. Du coup, donc c'est un tome qui s'inscrit donc dans ce nouveau soft reboot, relaunch, enfin tout ce que vous voulez, Rebirth, avec le premier tome de Wonder Woman. Donc c'est écrit par Greg Rucka qui revient sur ce personnage sur lequel il avait déjà plutôt travaillé, et à ce que j'ai compris, travaillé plutôt correctement dessus, parce que je n'ai pas lu son précédent travail. Et c'est illustré par l'énormissime Nicolas Scott, qui, je vais d'abord traiter les dessins qui sont incroyables, entre cette naïveté, mais jamais tombé vraiment dans le cliché. J'ai trouvé ça vraiment beau, c'est très très propre, c'est assez grandiose parfois, c'est moderne, c'est jamais larmoyant. On sent la jeunesse du personnage qui finalement s'efface pour faire place à une sagesse et une force de caractère qui sera globalement ce qu'elle sera par la suite. Donc ça, c'est assez génial. C'est vrai que par contre, bah, Steve Trevor finit tout le temps torse nu. C'est très étrange, mais il est tout le temps Oui, il a cette du coup capacité à topless. perdre sa chemise assez, oui. Oui. C'est très étonnant. Bon, passons. À côté de ça, moi, j'ai pas trouvé ça, en fait. Il y a des planches. D'un point de vue graphique, c'est une réussite totale. De ce point de vue-là, j'ai Oui, pas on de est d'accord. critique à faire. Mais par contre, le scénario, en fait, c'est. Bah, pour être tout à fait honnête, j'ai d'abord lu le Wonder Woman Earth One, qui traite aussi des origines. J'ai vu le film et ensuite j'ai lu ce truc-là. Donc ça veut dire qu'en quelques semaines, je me suis tapé trois origines de Wonder Woman qui, si elles ont chacune leur spécificité, racontent globalement la même chose. Et malheureusement, ce Rebirth pose très bien les bases. On arrive à saisir tout, enfin ce qu'elle est, d'où elle vient, ce qu'elle sera et ce qu'elle représente. Donc ça, c'est super. C'est modernisé, mais c'est rien. Enfin, c'est juste ça, quoi. C'est jamais énormissime, c'est jamais grandiose, c'est très respectueux sans être réellement original. Même l'antagoniste, bon, évidemment, c'est pour coller à celui du film, est exactement le même entre les deux supports. Bon, là, pour le coup, je Sauf suis que là, pas la sûr que raison. ce soit par rapport au film. Pense? Oh non, parce que ce truc a été écrit il y a quand même plus d'un an maintenant, et je suis D'accord. pas sûr que Greg Rucka. D'abord, en plus, c'est pas sorti en même temps. Ça aurait eu une sortie conjointe. Ok. Là, ça serait sorti en ce moment en VO, je dis pas. Mais c'est quand même sorti D'accord. un an Bon, c'est avant le la film. remarque. Voilà, puis l'ennemi est quand même un ennemi emblématique du personnage, donc Ok. bon. Je connais pas le personnage plus que ça, donc je peux pas non plus Non, mettre j'ai mon. pas vu de mauvaises intentions cinématographiques. Enfin, pas pour ça. D'accord. Ok. Donc du coup, le vilain, le hasard fait bien les choses, est le même, sauf que là, la résolution est encore plus expédiée que dans le film, mieux mise en scène. Bah, en même temps, c'était pas difficile, mais expédié de manière, enfin, ça tient sur vraiment une double page, alors sublime, mais une double page. Voilà, je pense, parce que le mode de publication, pareil, est assez, là pour le coup, étonnant, puisque les numéros pairs donc constituent cette origin story, et les numéros impairs, en fait, se proposent une histoire qui se passe dans le présent, Dans et le à ce que j'ai présent. compris, les deux se rejoignent à la fin. Donc, Voilà. je serais peut-être plus intéressé, donc, du coup, par le tome 2 qui traitera de l'histoire dans le présent, que cette origin story. Je vous renvoie peut-être plus sur la version de Morrison qui, tout en étant ultra respectueuse, ose plus et plus dans le non-dit, dans le voilà, vraiment le passé de Themyscira et ce que ça implique. J'ai préféré cette version. Bah ouais, donc du coup, moi c'est le gros reproche que j'ai à faire sur ce tome d'Urban. Ils auraient pu attendre et sortir ça en une partie. Parce que là, du coup, on a les numéros 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et on aura dans le TPB, dans le deuxième tome, on aura les numéros Rebirth 1, 3, 5, 7, 9, 11, peut-être 13, logiquement oui. Donc on aura des TP équivalents. Sauf que le problème, c'est que l'autre arc s'appelle en VO The Lies, donc les mensonges. Enfin voilà, en fait, dans le présent, Wonder Woman, enfin Diana, se rend compte qu'il y a plein de choses qu'elle a oubliées, dont elle n'arrive pas à se rappeler. Et elle sent bien que c'est des choses qui sont hyper importantes et que c'est des choses qu'on ne veut pas trop lui rappeler, qu'on essaie d'éviter d'aborder ces trucs-là avec elle. Et que voilà, elle se rappelle plus comment elle est sur Themyscira, elle se rappelle plus plein de choses, etc. Et petit à petit, les deux arcs vont s'imbriquer, vont se rejoindre même sur la fin, etc. Et du coup, bah, lire les choses conjointement pourrait changer la perception de ce premier arc. Et du coup, ça me gêne. Donc pour moi, ils auraient dû attendre et sortir un gros tome. Ouais. Voilà. Donc Mais du coup, bon. t'as pas de sortie de Wonder Woman au moment du film, quoi. Et du coup, tu passes à. Mais peut-être que tu peux sortir autre chose. Il y avait le Earth One qui se suffisait. Ils auraient pu. Je ne sais pas. Peut-être. Il y a d'autres choses sur le personnage qu'ils auraient pu ressortir. Peut-être reproposer le run d'Azzarello dans une collection présente, en essayant de les compiler. Enfin, je sais pas. Qui moi pour le coup ça je l'ai lu dans son entièreté, j'ai même lu le passage des Finch, mais le Oh mon Dieu. travail d'Azzarello vraiment est quelque chose de très très remarquable vraiment ce sera globalement ce que j'ai, bon j'ai pas lu énormément de trucs, mais parmi tout ce que j'ai lu sur Wonder Woman ce sera vraiment ce que j'ai préféré. Ou alors, tant pis, ils anticipaient, ils avaient le matériel disponible. Ils auraient pu sortir le gros bouquin dès maintenant, hein, les deux tomes, parce que le deuxième TPB est sorti déjà en VO. Hein. Donc, C'est vrai. c'était possible de tout sortir d'un coup. Voilà. Mais en même temps, on avait déjà le Greg Rucka présente tome 2, on avait le Wonder Woman Anthology, on a eu quoi d'autre? On a eu le deuxième tome de Perez, on a eu le Earth One, on avait quand même pas mal de choses qui sortaient autour du film. On n'était pas obligé de coller avec Rebirth tout de suite, tout de suite. Bon, Bah, de toute je façon, ils comprends sont le à plus d'un choix. an de décalage, donc Je c'est pas très comprends grave. le choix. Oui, en plus, je comprends le choix commercialement. Après, voilà, éditorialement, ça m'embête un peu. Donc, à relire avec plaisir, je pense, quand le deuxième tome sera Puis, sorti. donc, du coup, un mot sur la maquette Rebirth, c'est très propre, hein, ça fait bien le taf. Oui, c'est C'est, cool. moi, j'aime Grand beaucoup format. le grand format, oui, effectivement. J'aime beaucoup la maquette des couvertures très, très sobre. C'est-à-dire qu'on met vraiment la cover pleine page et un petit encart vraiment sur le bas ou excentré, très léger. Donc, voilà, pour le coup, c'est plutôt très joli. Ça fonctionne, c'est clair. Il y a juste un truc que je n'aime pas, c'est le dos. Pourquoi intituler la série Wonder Woman Rebirth? C'est pas Wonder Woman Rebirth, c'est Wonder Woman. C'est la collection Rebirth. Mais ça veut dire que imaginons qu'il y ait 10 tomes de Wonder Woman, et ben le 10e tome Ouais. sera toujours Wonder Woman Rebirth tome 10. Oh non. Non. Ouais, ils auraient dû faire Rebirth, deux points Wonder Woman pour montrer la gamme et tu mets Oui, ouais. ou juste changer ou changer la couleur de leur petit logo en bas, ou passer comme ils l'ont fait en VO, ils sont passés au dos blanc pour marquer la transition avec Rebirth, ou je ne sais pas. Enfin, ils auraient pu trouver d'autres astuces plutôt que d'appeler ça Wonder Woman Rebirth. Enfin, je sais pas. Effectivement. C'est un détail, mais moi, du coup, ça m'embête parce que Mais en j'imagine fait, bien au 10e tome avoir encore Wonder Woman Rebirth tome 10. Bah, c'est écrit sur la tranche, mais c'est pas écrit sur la couverture. en plus, je sais, c'est écrit, ouais, c'est vraiment écrit. Et du coup, bah, quand on regarde dans notre étagère, bah, on a Wonder Woman Rebirth. Et on va avoir une tripotée de Wonder Woman Rebirth côte à côte. Je trouve pas ça hyper beau, mais bon. C'est un détail. Ceci étant posé, il est temps de passer non pas une bulle, ce qu'on a fini pour les bulles, mais ce qu'on appellera une bobine, puisqu'on va parler évidemment du film Wonder Woman, et ce qui veut dire qu'on va pouvoir libérer Arnaud qui attend de manière impatiente, j'en suis sûr, avec son micro en muet, donc il va pouvoir le réactiver pour dire bonjour, mais il n'est pas là. Ah non, puisque ça ne peut pas se passer parfaitement, vous en doutez bien. Et du coup, ça veut dire que Léo va nous quitter, parce qu'il n'a pas vu le film, lui. Exactement. Et puis je m'en voudrais d'être, comment dire, injuste envers DC sans avoir encore vu le film. Donc bon, ce serait, Ah oui, c'est tellement bien. voilà, bah, c'est clair. Donc au revoir Léo qui n'a pas vu le film, et bonjour Arnaud. Adios, amusez-vous bien. Arnaud, je crois qu'on t'a entendu. Ok. Voilà, pas très fort, c'est clair, mais on t'a entendu. Ok. Alors, le film, donc, alors, on va essayer de. On n'est pas sur une émission complète consacrée à un film, hein, on est dans le cadre d'une émission globale, donc on va essayer de ne pas mettre 3 jours pour en parler. Hein, je sais qu'on ne sera pas d'accord sur plein de trucs, ou qu'on sera d'accord sur plein. Enfin, voilà, j'ai pu un peu sonder vos avis à chacun, et je vois bien où on va se retrouver ou pas, et où vous allez vous retrouver ou pas. Le film de Patty Jenkins, on le disait, avec Gal Gadot dans le rôle titre Chris Pine pour nous incarner Steve Trevor, et tout un casting secondaire dont on parlera peut-être à l'occasion quand on abordera des points de l'intrigue. Un film qui globalement fait plutôt l'unanimité du côté de la critique, que ce soit d'ailleurs pour les films spécialisés, enfin les sites spécialisés ou la presse spécialisée, ou même pour la presse un peu cinéma, voilà, qui convient plutôt que ce Wonder Woman est plutôt globalement une réussite, une bonne surprise comparée à ce qu'on pouvait avoir dans le DCEU jusque-là, à milieu de Suicide Squad, bien moins clivant que BVS, voilà ce qu'on nous vendait dans les critiques. Pas exempt de défauts, mais voilà, bien plus agréable à regarder et plus plaisant. Alors donc la question que j'ai envie de vous poser d'entrée, ce Wonder Woman est-il le meilleur film du DCEU ou le moins pire? Vas-y Arnaud. Là, je commence par le troll. Ouais, ça fait chier. Par rapport à tout ce qu'on a vu jusque-là, donc Man of Steel, on va se fixer sur ces quatre-là, Man of Steel, Suicide Squad, BVS, et du coup, maintenant Wonder Woman. Pas forcément le meilleur, hein, mais on est bien bien au-dessus de BVS et de surtout de Suicide Squad. Donc pas forcément le meilleur, je dirais pas que c'est le meilleur, mais il se place bien. Et par rapport à Man of Steel, du coup, qui est aussi une autre origin story, celle de Superman, cette fois, comment tu le situerais? J'aime assez Man of Steel, mais je dirais peut-être un poil au-dessus, mais ça m'embête de dire ça parce que du coup ça veut dire qu'il est le meilleur, hein. Mais je le Ouais. vois pas comme le meilleur, hein. Ou le moins mauvais. Oui, parce que il est certes un peu mieux puisqu'il se rapproche, je pense, davantage du personnage tel qu'il devrait être, hein. Il est un peu plus inspirant que Man of Steel où en gros Superman est dans une phase dépressive depuis 30 ans et il arrive Bah pas à en sortir. depuis qu'il a l'âge de Jésus, quoi. Anthony, du coup, le meilleur, le moins pire, juste passable, comment tu le vois, pour poser un peu le décor C'est pas le avant de... meilleur parce que j'ai préféré Man of Steel. C'est pas le meilleur parce que j'ai préféré Man of Steel et BVS. Ça c'est dit. Non, j'ai énormément apprécié Man of Steel au moment de sa sortie. BVS, j'ai vraiment bien aimé la version Director's Cut. Celui-là, ça cesse de regarder. Ok. Par contre, c'est meilleur que Suicide Squad, évidemment. C'est la question, se pose pas. Je Je ne pense sais pas, je que n'ai toujours pas vu Suicide c'est Squad, un je réussis à tenir sans le voir, Oui, donc c'est très très bien. Je pense que j'en vis mieux d'ailleurs. J'ai une meilleure Oui. qualité du fait de ne pas l'avoir vu. Pour ma part, franchement, enfin voilà, vous savez que je n'attendais rien de ce film, mais parfois même que j'attendais le pire des pires trucs, hein. Je crois que c'est Anthony qui m'a envoyé un gif plutôt, ce matin ou hier soir avant que je voie le film, avec une Wonder Woman qui danse, enfin Gal Gadot qui danse en costume, etc. Et je dis putain, j'espère que ça c'est pas dans le film, que ça vient du off parce que je pense que ça va mal se passer. Oui. Effectivement, ça venait du off. Donc plutôt bonne surprise par rapport aux attentes que j'en avais. C'est plutôt la Wonder Woman qui fait plaisir de voir au cinéma, etc. Ça fait plaisir de voir un film en couleur. Il y a plein de choses qui fonctionnent, mais il y en a pas mal aussi qui ne fonctionnent pas, Oui. notamment une troisième partie absolument catastrophique, et ça, Du vomi, qui aurait pu faillir, voilà, qui était à deux doigts de gâcher complètement l'expérience du film, du coup. Quand on a une troisième partie aussi ratée, waouh, c'est chaud derrière de garder un esprit assez positif autour du film, qui, sur ces deux premières parties, était pas mal finalement. Surtout la première avec Sur les Amazones. Themyscira? Ouais. Ouais. Globalement, voilà, moi le reproche que je fais à ce film, c'est qu'il arrive, ouais, presque 10 ans trop tard. Bah ouais. On a eu des tas d'origin story, parfois bien faites, parfois moins bien faites. On en a encore une ici qui est racontée sur un schéma hyper classique. C'est Captain America. Ouais, c'est Captain America qui aurait rencontré Thor. Et du coup, voilà, on a déjà vu tout ça. Oui, c'est une femme. Oui, ils prennent les choses parfois sous un angle assez intéressant et assez, assez drôle, il faut le dire. C'est assez inattendu pour le DCEU. Mais ça semble éculé, tout ça. On n'a pas, on n'est pas, on n'est jamais réellement surpris à aucun Ça moment. marche très bien. Ça marche, mais on n'est pas surpris. Mais est-ce que tu t'attendais à plus? Toi-même, tu dis que tu t'attendais à rien. Je m'attendais à rien, mais... Comparé au reste qu'on a vu, surtout avec tout ce qu'on a vu dernièrement, qui ont été des grosses déceptions. Et je parle pas que de DC, même du côté de chez Marvel ou la Fox. Oui, tout à fait. Oui, mais non, ça lance Pour pas moi, ça se encore. regarde. Pour moi, ça lance pas encore l'année des adaptations comiques. J'attends toujours le film qui va me lancer l'année. Ah si, il y a eu Logan, Mais... excusez-moi. L'année est Ah lancée. oui. Oui. L'année n'arrivera jamais à ce niveau-là. Voilà, Gal Gadot, ou Gadot, je sais pas comment dire, fait le boulot. Personne ne sait. Ouais, Voilà, moi je la c'est... trouve vraiment sans voilà, elle est vraiment sublime dans ce rôle-là, je trouve. Elle arrive à incarner, parce que bon, le personnage est un canon de beauté, je suis désolé, mais c'est le cas. Elle arrive à avoir cet aspect-là, l'aspect vraiment fort du personnage. Elle arrive à véhiculer, je pense, le message premier de cette héroïne. Donc, Gal Gadot, moi je la trouve vraiment dans ses bottes, quoi. J'ai vraiment bien apprécié. tout en gardant une certaine naïveté quand elle découvre le monde des hommes. Beaucoup de gens ont critiqué ça en disant qu'elle passait pour une idiote, mais alors pas du tout, c'est juste que Ah, moi, ça, elle... j'ai adoré pour le coup Ouais, retrouver la Wonder Woman naïve comme on peut ça. Et puis c'est pas l'avoir lu. Hein. naïveté dans le sens négatif, Non, c'est elle découvre littéralement le monde. naïveté. Oh, le Elle coup du découvre le bébé, monde, j'ai exactement. trouvé ça un peu. Bon. Ouais, mais alors le coup du bébé, et il y a un autre truc, c'est le coup de la glace. Bon, la glace, ça me choque pas trop. Mais en fait, ça, C'est dans les comics. c'est deux énormes clins d'œil, ces deux passages-là, par rapport à ce qui a pu être dans l'histoire éditoriale, dans l'histoire comics de Wonder Woman. Voilà, le coup du bébé, l'histoire du bébé et l'histoire de la glace, c'est deux choses que les lecteurs qui ont l'habitude de Wonder Woman ont déjà lues. Et moi, du coup, j'ai pris ça pour deux bonbons, deux petits clins d'œil, voilà, à mes lectures, et j'ai trouvé ça, du coup, hyper agréable. Ouais, C'était plus ok. pour le clin d'œil, pour reproduire des scènes qui quand même ont Iconique des un comics. peu iconique de cette découverte du monde par Diana. Donc ouais, non, c'était ça, je l'ai pas, voilà, je l'ai pas détesté. On a donc ouais une actrice principale qui fonctionne. On a un Chris Pine qui m'a surpris Et le oui, alors parce qu'il fonctionne en fait, aussi. Steve la Trevor. connexion Chris Pine-Gal Gadot fonctionne bien entre eux. Voilà, Et il donc lui prend aussi, jamais le dessus hein. quand même. Lui aussi, comme dans le tome 1 de Wonder Woman Rebirth, hein, finit souvent torse nu. Hein. Oui. Voilà, hein, c'était le petit Bon, point. ça, c'est le cas dans finalement tous les films où les acteurs sont ultra bulky. Donc, Oui, non, non, mais voilà. Et puis du coup, c'est une... c'était une manière aussi d'inverser les rôles par rapport à. Voilà, là, c'est un peu plus lui, l'objet, que elle. Donc du coup, c'est sympa. Après, voilà, au niveau de la réalisation, est-ce que vous retenez des choses? Moi, je retiens un passage, le No Man's Land. C'est la scène, enfin, une des scènes les plus iconiques. J'aime beaucoup aussi une des premières scènes quand les Allemands débarquent et que tu as toutes les Amazones qui arrivent. J'aime beaucoup ce passage où tu vois au ralenti la première balle arriver qui passe devant Wonder Man. Ah non, ça me fait Et penser à qui... Zack Snyder. Non, non. Bah, moi, j'aime beaucoup ce moment où la balle ensuite pénètre la chair de l'Amazone et tu la vois suspendue inerte. Et c'est la première fois que Wonder Man est face à la réalité brutale de l'humanité. Et je trouve ce passage très intéressant. Ouais, mais du coup, bah ouais, bah on est en 2017 et les petits ralentis à la Zack Snyder, stop. Moi j'aime bien. Faut passer à autre Au chose. Hein. Je contraire, déteste, moi je déteste. J'en peux j'ai plus, j'en peux plus. trouvé que c'était Et pas trop ce film lourd. dégueule de ralenti à chaque scène d'action, c'est. Mais oui, bah, j'ai pas trouvé que c'était pas trop lourd, justement. Ah là, pour Ouais, le moi coup, non c'est plus. pas Zack Snyder, mais ça aurait été lui, bah voilà, c'était. Mais là, on va pas se mentir, la réalisation, c'est. Elle a reçu les petits papiers de Zack Snyder, on va pas se Oui, mentir. Hein. elle en a reçu, mais elle a pas reçu celui sur la colo, donc ça me plaît. Après, sur le No Man's Land, moi j'ai pas trouvé ça si grandiose que ça. Ah, Par contre, je suis. j'ai bien aimé le passage dans la grange, puisque du coup, j'arrive bien assez. Enfin, je trouve que c'est très bien retranscrit qu'elle est finalement ultra, enfin, est vraiment surpuissante et qu'elle domine globalement les soldats. Mais le passage dans le No Man's Land, On l'a tellement vu dans les bandes annonces, le passage dans la grange dans le quand village, ouais. Je suis d'accord. elle glisse, on l'a tellement vu ça que et c'est tellement rapide que ça m'a Ah, moi, ce passage sur moins No Man's Land, elle est hyper d'ailleurs. puissante, elle est hyper épique, elle est. Ah non, c'est vraiment le Moi, passage où ça y est, on a Wonder Woman, et en plus, c'est la première fois où on la voit le en passage costume. le plus intéressant dans cette séquence, c'est pas quand elle arrive et qu'elle glisse au ralenti, qu'elle bute tout le monde. C'est moi ce que j'ai beaucoup plus préféré là, c'est quand il se. T'as tous les. Tous ces. Comment? Steve et tous les autres qui s'agenouillent pour la lancer et là qu'elle saute et qu'elle détruit le clocher. J'ai beaucoup plus D'ailleurs, préféré. destruction qui n'inquiétera pas du tout les villageois. C'est très étonnant. Non, non, non, mais c'est voilà, c'est bon. Après, ça va. Ils ont pas découvert. Ça n'était pas la tour Wayne. Bah, en même temps, t'as les Allemands qui leur tirent dessus, quelqu'un vient buter les Allemands, je pense qu'ils sont contents. Ouais, c'est une nana qui saute et qui détruit un clocher, quand même. Oui, et alors? Ouais, mais là, pour le coup, Ok. ils l'ont immédiatement. Ouais, c'est la sauveuse, quoi. C'est peu importe comment elle a fait, c'est la sauveuse. Et je suis même pas sûr qu'ils se soient rendu compte de comment elle a fait, tellement ils étaient dans la panique à ce moment-là. Ok, bon. Oui. Mais voilà, moi vraiment, ce passage en No Man's Land m'a. Ils n'ont pas trop envie de se poser des questions, ils sont enfin libérés des nazis. Ouais, ok, j'ai tilté sur le coup, mais bon, pourquoi pas. La manière de en foot au final. Pour le passage sur Temiskira, là, sur la plage, etc., espèce de bataille avec les Allemands qui débarquent, etc., c'est toi, Arnaud, qui l'a beaucoup apprécié. Et c'est ce passage-là, justement, qui m'a fait comprendre que ce film-là n'allait pas avoir beaucoup d'ambition. Parce que ça n'allait pas réinventer la roue, qu'on allait se retrouver dans un truc très plan-plan, très classique, très gentil. Très gentil, et j'insiste vraiment, ce film est très gentil. Il n'y a aucune goutte de sang dans toute Ouais, c'est cette chiant scène. ça. Vous faites marrer, Rien. mais c'est un film tout public, on sait ce que c'est le cinéma Ah, mais américain. je m'en fous. Moi, je vois des gens qui se défouraillent, qui se font trancher par les épées, etc. Il y a un moment, il faut au moins que les épées, elles aient du sang, ou qu'il y en ait une qui ait du sang sur la main, ou je sais pas quoi. Là, il n'y a rien. Enfin, c'est quoi? Les épées sont en mousse, elles rebondissent. Comment ça se passe? Moi, ça me gêne. Mais tiens-toi à 40 ans de cinéma hollywoodien, enfin 40 ans. Oui, non, mais c'est ça tombe sur ce film parce que voilà, mais oui, Parce effectivement, que c'est oui, parce que d'habitude, on a l'habitude des balles et du coup, on ne fait pas forcément attention au sang. oui, Donc voilà, oui, c'est de ce film-là on dont on aurait parle. rarement temps Forcément, voilà, ça tombe sur mais lui. Mais ça, c'est. cinéma américain tout public, voilà. Tu veux pas interdire le film aux moins de 17 ans pour te couper une partie du public, bah c'est comme ça. Donc voilà, Ça, ça c'est le puritanisme c'était. Et américain. voilà, c'est là où je me suis dit, ouais, bon, bah, faut pas attendre grand-chose non plus, quoi. Et effectivement, tu vas avoir un film mignon, gentil. Et c'est ce qu'on a, c'est un film mignon, gentil, parce que qu'est-ce qui sauve le monde? C'est le pouvoir de l'amour. La fin est assez ridicule, j'ai du mal à m'en remettre. Donc, bon, ouais. Enfin, dans l'idée, ils ont toujours un problème d'exécution chez DC. Dans l'idée, c'est pas stupide, puisque enfin, tout ce qu'on entend à chaque fois, à chaque fois qu'il y a une tragédie ou quelque chose, on dit à chaque fois l'amour va triompher, machin, aimons-nous les uns des autres. Dans l'idée, c'est pas stupide, mais dans la manière dont ils l'amènent, c'est l'amour va nous aider à aller mieux, tous les humains ont une part d'amour, etc. En plus, forcément, on colle ce message à une héroïne, à une femme, donc il y a toutes les connotations qui existent depuis des décennies et même des siècles dans l'art, avec la femme, la mère, la nourricière, la protectrice, etc. Donc forcément, ça rappelle plein de connotations artistiques, voire religieuses, puisque ça vient Oh oui, non, mais pour le coup, ça m'a pas rappelé ça. Enfin, tu d'amour. vois, ça m'a Donc pas fait forcément, penser. ça reste un peu en travers de la gorge, ce genre de discours un peu gnangnan. Dans l'idée, c'est pas forcément con. Comme je le soutiendrai toujours, l'idée de Martha est très, très, très, très, très mal exécutée. C'est une des choses les plus ridicules qui est faite. Mais dans l'idée, dans la construction psychologique des personnages, dans l'idée, c'est pas con. Mais Je c'est très, très mal amené. Voilà, moi ça n'a pas dérangé, enfin je l'ai pas ramené au fait que ce soit une femme et que du coup ce soit son amour pour Steve qui la fasse ne pas basculer et que finalement elle arrive à triompher de voilà. C'est juste le fait que ce soit ça en fait. Ça aurait pu être l'inverse, ça aurait pu être Superman vis-à-vis de Lois ou peu importe. Voilà, juste non. Ils auraient pu faire régler ça de manière tellement plus ambitieuse. Mais bon, j'ai l'impression que l'ambition, c'est pas ce qu'il faut attendre. Soit du côté du MCU ou du côté Ah du oui, DCU, hein. Voilà, je les mets complètement. tous C'est dans le un scénario écrit par le mec de BVS. même sac, hein. C'est triste que Geoff Johns ait participé au scénario quand même. Ouais, ben voilà. Il y a Alan Weinberg aussi qui est en grande partie responsable du scénario. Trois mecs sur un Voilà, on sent d'ailleurs quelques trucs hein, qui viennent de lui. Après, le méchant, il est gênant aussi. En fait, j'aurais vraiment apprécié justement que le film se conclue au moment où, en fait, qu'il n'y ait pas de Arès du tout, et que au moment où elle bute plutôt froidement Ludendorff, c'est ça? Que ça s'arrête là, en fait, qu'elle se rende compte que toutes les histoires de la colère, enfin de la colère d'Arès qui animerait les hommes, ce soit que des contes, et que finalement que l'humanité ce soit à la fois justement de l'amour et de la barbarie, et que du coup tous ces idéaux s'écroulent, et ce qui expliquerait qu'elle se soit retirée du monde des hommes. Mais non, on Et bascule sur ça aurait collé avec quelque chose que je n'apprécie pas, hein. C'est cette espèce de côté hyper noir de tout le DCEU, de la manière dont Batman a tourné, de la manière dont Superman vit sa dépression, de Oui, voilà, oui. que elle se rende compte de ça et que du coup, bah ouais, elle n'ait plus envie de sauver l'humanité parce que bah ouais, effectivement, voilà, et qu'elle baisse un peu les bras et qu'elle se retire, voilà, jusqu'au Mais non. moment où vraiment il va y avoir une grosse Ouais, menace. mais le truc, c'est que DC, plus que Marvel Studios, essaye de se mettre dans une veine plus du côté mythologique et d'éthique, alors que vraiment Marvel, c'est on explique tout par la technologie et eux, ils veulent garder une part de mystique. Mais du coup, c'est vraiment Superman qui est considéré comme Jésus, le renouveau de Jésus. Une petite fin amère, voilà, m'aurait pas déplu. Bon, après. Mais je suis d'accord que ça a été plus intéressant pour son pour la mais construction. Pourtant, c'est une des choses que j'aime clairement. Elle a arrêté avec la mort de Ludendorff et que là, elle découvre réellement ce qu'est l'humanité et que c'est pas ils sont pas forcément, ils ont pas besoin d'être inspirés par. Ils sont assez grands pour être débiles, quoi. Ça, si ça nous avait parlé, ce vomi numérique qu'on a à la fin. À la fin, c'est vraiment le combat final, c'est une catastrophe, quoi. Il n'y a pas de décor, c'est noir, donc du coup, on voit rien. Les effets, je suis vraiment pas, comment dire, sensible à ce genre de truc. Enfin, à partir du moment, là, c'était terrible. Et là, c'est vraiment gênant, quoi. Elle est incrustée sur un fond vert dégueulasse. Enfin, le méchant, on n'y croit pas une seconde. Quand il s'assemble son armure, mais sérieusement, quoi. Sérieusement, quoi. Vraiment, c'est comme ça que vous terminez votre film. Puis, pitié, quoi. C'est le problème vraiment que les films de super-héros ont, et surtout l'univers DC, apparemment. C'est ce dernier acte plein de combats numériques atroces. Et on va vers quelque chose qui va être de plus en plus ça dans le dernier acte. Et ouais. Du coup, ça, tous les films, tous les derniers actes vont se ressembler et ressembler à un amas numérique dégueulasse. Pour le coup, si on devait s'attacher aux derniers actes, effectivement, celui de Man of Steel, voilà, serait mon préféré. Oui. Voilà, malgré l'espèce de polémique qu'il a suscité ou que machin, bah au moins c'est propre, quoi. Au moins c'était un petit peu plus ambitieux, quoi. Ce qui se passe avec ça, notamment, voilà. Bon, oui, là, ce troisième acte, c'est terrible. C'est pas beau, c'est mal fichu, c'est mal écrit. Après, la même chose d'aller dans la maison d'en face. Ah oui, non, mais clairement, le méchant, enfin, c'est Arès, quoi. Et ben, c'est pas ça, Arès, je sais pas. Il fait pauvre, enfin, c'est un peu triste, quoi, que Arès ce soit ça. Alors qu'Arès, c'est quand même un des dans le panthéon Wonder Woman, voilà, c'est quand même très important. Ce qui est très chiant, c'est que, et ça, pareil, c'est un schéma qu'on peut, pareil, calquer sur. Toutes les deux maisons, c'est que c'est un putain de vilain par film. C'est-à-dire que tu peux pas te le garder en main pour le faire réapparaître plus tard, pour montrer que le héros gagne pas toujours, pour construire quelque chose sur plusieurs films. C'est insupportable. L'Amérique doit triompher. Ah, ça, c'est une règle. Oui, c'est vraiment insupportable, quoi. Il peut triompher sur le long terme. Ah non, pas chez eux. Un peu d'ambition, bordel. Alors, ambition, c'est vraiment le mot qui m'est venu tout de suite. Quoi, ça et puis la chanson The Power of Love. Mais quand je suis sorti de la salle. Mais un peu d'ambition ferait pas de mal. Un peu d'ambition ferait pas de mal. Voilà, on est... Ouais, en gros, c'est la même putain de soupe qu'on a tous les 4 mois, sauf que là, alors c'est cool parce que c'est une nana, mais c'est globalement la même soupasse qu'on a à chaque fois. Quoi. C'est ça, voilà. On a 10 ans derrière. Hein. On a 10 ans de films, hein, maintenant. Et ben ouais, il serait peut-être temps de nous les proposer autrement. Ouais, mais tant que ça fonctionnera. Et celui-là fonctionnera, parce qu'encore une fois, j'ai pas passé un mauvais moment. Hein. Enfin voilà, malgré ce que je peux dire sur le dernier acte, etc., j'ai trouvé plein de choses super sympas. J'ai trouvé plein de petits clins d'œil intéressants par rapport à ce que j'aime chez Wonder Woman. Son apparition dans le monde des hommes était hyper, hyper intéressante. Le petit côté humoristique qu'on peut avoir parfois, pour le coup, je l'ai pas trouvé gênant, ni lourd, ni malvenu, ni au mauvais moment, etc. Ça, voilà, on aurait juste pu se passer du passage un peu cabine d'essayage. Voilà, ça c'était un peu voilà, mais bon. Malgré ça, j'ai quand même passé un bon moment. Je me suis pas forcément ennuyé. J'ai pas regardé ma montre avant ce dernier acte. Non, c'était sympa, ça fonctionne, mais voilà, c'est déjà vu. Et je suis même sûr que tout ce qui va arriver, alors si on peut faire une petite projection, si on a un petit peu de temps, vraiment à part Infinity War qui par le côté énormissime du projet, me chauffe. Mais vraiment, sinon, j'ai peur que... dégueulasse. Parce que là, par exemple, Scarlett Johansson vient de faire une interview. Elle a annoncé qu'elle avait fait une scène avec 32 personnages, 32 comédiens. Non, mais j'ai peur que ce soit un peu trop illisible. J'ose espérer que pour un projet pareil... C'est pour qu'on ait la scène de l'aéroport de Civil War avec plus de personnages. Non, mais une scène avec 32 personnages, ça peut être un enterrement aussi. Hein. Enfin... n'y a pas besoin que ce soit du combat. Hein. Elle a rien. Enfin, moi, je le vois pas comme. On sait qu'il va y avoir forcément de nombreux personnages pour combattre Thanos. Et... Oui, non, voilà, moi, je le vois quand elle dit ça. Voilà, enfin, j'ai lu un peu en diagonale. Voilà, elle parle pas de scène de combat, etc. Moi, pour moi, elle nous annonce Et c'est juste ça. un moment où ils se réunissent tous, soit pour établir un plan, ou alors parce qu'il y en a un qui est mort et que c'est l'hommage. Oui, mais il y aura quand même beaucoup de scènes avec beaucoup de personnages. Oui, il y en aura, c'est sûr. J'ai peur que le Non, film soit mais provoqué. le film quand même va réussir à avoir les ambitions qu'il mérite. On est à l'issue de, enfin, on est à la conclusion de 10 années de construction Oui. pour finir dans une confrontation ultime. J'ose espérer, je demande qu'à être surpris, qu'au moins ce sera enfin, une orgie visuelle, parce que si c'est vraiment, si en plus visuellement c'est totalement pauvre, ça n'a aucun intérêt. Bon, Malheureusement, peut-être j'ai même peur que. elles sont pas non plus exceptionnelles Ah visuellement. non, non, non, non, non, non, non, non, non, globalement, non, hein, je suis tout à fait d'accord. Hein. Mais j'ai peur que les Spider-Man, que les Thor, ce soit globalement la même chose, quoi. Puis Spider-Man, Thor, globalement, il est tout. marrant. Moi, il me botte bien, voire au début, j'en avais rien à faire, mais la bande-annonce, bon, ça va, je pense pas que ça va non plus être une grande révolution, mais on peut passer un moment assez sympa. Surtout que le fait, j'ai envie d'être dépaysé, et là, le fait que ça se passe pas à notre époque, ça change énormément. Il n'y avait pas toutes ces connexions avec les autres films, et c'était agréable parce que je commence à avoir vraiment ras-le-bol des univers partagés, et donc là, c'était bien de s'en défaire légèrement. Et donc là, le fait d'être dépaysé aussi avec Thor Ragnarok, parce que on sera sur une autre planète, hein. En tout cas une partie du film va se passer sur une autre planète, ça va peut-être, j'espère, apporter un peu de fraîcheur et sans révolutionner vraiment, mais au moins changer un petit peu les choses. Pas sûr, hein, regardez Gardien Galaxie volume 2, hein. C'est sur une autre Oui, planète, et pourtant, c'est une voilà. catastrophe, hein. Bref, non, bah moi, puisqu'on est un peu se projeter dans le futur, le Spider-Man Homecoming me titille quand même. On a Et tout. Franchement, puis, honnêtement, je je vois pas pense, ce qui reste à. mais j'ose espérer Ouais. une petite surprise, Ouais, je vois de quoi tu veux voilà, parler, mais une bon. petite surprise dont le prénom et le nom commencent par la même lettre que mon prénom. Oui. Mais voilà, je crois que je me fais des idées et que quand je verrai que ça n'est pas dedans, je vais être très triste. Mais bon. S'il n'y a pas ça, c'est pareil, c'est une catastrophe, hein. Voilà. Mais celui qui, moi, me chauffe le plus, eh ben, c'est The Golden Circle. Ah, oui, Ah, Kingsman. Kingsman's Golden Circle, dont j'avais pas vu que le trailer était sorti, j'étais passé complètement à côté, j'ai découvert ce week-end. Et ouais, j'ai envie, ouais. Ouais, je veux, tout de suite, demain. Bah là, on se détache globalement du genre super-héroïque, donc c'est différent, mais oui, d'un point de vue adaptation comique, je suis d'accord, hein. Voilà, si on voit les adaptations au sens large, ouais, c'est celui-là que je veux voir. Après, en super-héroïque, pour le moment, Spider-Man. Thor Ragnarok, j'aurais bien fait l'impasse, franchement. Le seul problème, c'est qu'il va être important pour amener Infinity War, j'imagine. Donc, Ouais. pas faire l'impasse sur celui-là, ça va être compliqué. Après, ils ont lâché le Black Panther là, il y a une semaine. Bon. Ouais, bon, bah voilà, c'est. Le Wakanda est joli. Voilà. Ouais. Je sens pareil le même schéma narratif. D'un point de vue national géographique, ça sera intéressant. D'accord. Point de vue Black Panther, je suis pas sûr. D'ailleurs, point de vue national géographique, Themyscira dans Wonder Woman, très sympa. Ah oui, ah bah oui, c'est sûr, oui. J'ai beaucoup aimé. Alors là, pour le coup, quand bah, ce plan un peu aérien qui arrive sur Themyscira, etc., où on voit vraiment. Ah, je dis, ah ouais, c'est joli un film quand ça se passe le jour. C'est sympa. C'était pas mal. Non, il était. J'ai bien aimé. Themyscira, pour le coup, C'est pratique c'est. que Lille est à côté de Londres. Hein. Parce qu'en Bah une écoute. nuit, ils arrivent à rejoindre Londres. Non, mais C'est énorme. c'est parce qu'elle rame vite ou alors elle a soufflé sur les voiles. Enfin, tu sais pas ce qui s'est passé. Mais non, ils ont été Elle a soufflé remorqués en pendant tout le plus. sommeil. Hein. Et ils ont été remorqués aussi. Enfin, remorqué, Oui, mais même Themyscira, ça. remorqué, le bateau, il fait pas Grèce, Bon, ils étaient enfin, remorqués sur la Turquie, Tamise, certes. Londres. Mais non, mais je pense qu'il y a un truc magique. Il y a un truc magique. Oui. Ouais. Ah, bah oui, sans doute, oui. Là, Je sais pas. peut-être que son vaisseau a un pouvoir qu'on connaît pas. Hein. Mais Je sais qui te pas. dit qu'ils ont passé qu'une nuit? Ça se trouve, ils ont passé deux ou trois et ils ont fait juste une ellipse. Juste, ils sont endormis et quand ils arrivent, ils se réveillent. Niveau Mais montage, c'est un peu ridicule. bah, niveau Bah, c'est montage, très bien. ça te laisse penser qu'il n'y a qu'une nuit, mais on te le dit pas. Donc moi, je La sais pas. mer Égée, Londres en une nuit, c'est bon, tu me diras, c'est un temps correct. Oui, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Ça peut révolutionner Ah bah, le transport maritime, moi, je clairement, trouve. Ouais. clairement. Bon, allez, on va pas polémiquer ni débattre pendant des heures sur Wonder Woman. On va quand même lui donner une note parce que c'est notre habitude. Voilà, et puis une petite phrase pour le résumer. Dans l'ordre alphabétique, Anthony. Sur 10, hein? Oui. Ok. Ah, je suis pour ça. 5,5. 5,5 sur 10. Ok. 5,5. Visionnable, mais absolument pas original, et ça s'inscrit dans la continuité des films de super-héros qu'on a depuis 3-4 ans maintenant. Arnaud. Cinq et demi, t'as mis? Ouais. 7 juste pour faire chier. Pourquoi 7? Non, j'ai trouvé ça. Enfin, il était agréable, un peu plus que visionnable. J'ai quand même été à passer un meilleur moment quand même. Je l'ai quand même vu deux fois. Et je l'ai trouvé, oui, certes agréable. Ça changeait énormément de ce qu'on pouvait voir dans le sens où ça se laisse regarder. Et j'ai pas regardé ma montre toutes les demi-heures. Coucou, Gardien de la Galaxie 2. Oui. Et puis surtout, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est ce dépaysement de se retrouver pendant la Première Guerre mondiale. Et du coup, et c'est assez agréable dans l'ensemble, donc oui, c'est. Voilà, bah moi je mettrais 6,5 parce que bah j'en garde 2 tiers qui m'ont fait bien plaisir. Donc voilà, si le troisième tiers avait été comme les 2 premières parties, bah ouais, la note je pense serait bien supérieure. Mais voilà, il y a ce troisième tiers catastrophique. Un film qui a l'avantage d'être un peu à part du DCEU et du coup de pouvoir se permettre des choses. Ils ont 4 films. Hein. Ouais, mais quand même, il prend pas la suite des autres. Contrairement à ce qui s'est passé jusque-là, ils ont tous pris la suite des autres et du coup ils devaient s'inscrire dans une espèce de logique. Là, c'est déconnecté, c'est dans le passé, c'est mythologique, etc. Donc du coup, on peut peut-être se permettre un peu plus de côté léger, etc. qu'on n'aurait peut-être pas eu si ça se passait dans l'époque de BVS. Je ne sais Oui. pas, hein, mais voilà. Pour moi, ça a servi le J'ai film. beaucoup aimé ce dépaysement temporaire. Ça a servi le film. On rattache ça au DCEU d'une manière plutôt risible, mais bon, on le rattache quand même. Voilà. Merci Bruce. Et Merci. pourquoi devoir aller jusqu'à Paris pour ça? Ouais, puis enfin, voilà, juste parlons quand même là. C'est une photo, hein, quand même. Une photo qui est livrée dans un espèce de camion ultra sécurisé. On boucle le quartier, on boucle tout, voilà, juste pour N'importe quoi. poser une photo à Diana qui du coup travaille au Louvre. Oui. Bon, ok, conservatrice, je ne sais pas ce qu'elle fait là-bas, mais ok, pourquoi pas. Je pense pas qu'elle y travaille, on lui a juste donné rendez-vous dans une salle là-bas. Ah non, elle a son bureau. Ah ouais? Moi, je pense qu'elle travaille, moi. Eh ben, ça, Okay. elle a quand même un bureau, on voit bien qu'elle est dans un bureau, qu'elle écrit, qu'elle a son ordi, qu'elle a machin. Non, mais Soit ouais, elle est elle conservatrice, mène mais des bon. recherches sur la Grèce antique, ou elle est en tant que spécialiste ou que consultante, ou je sais pas quoi, mais elle travaille là-bas. Bon, ça m'a pas. Voilà. Bon. Donc du coup, 6,5 pour moi, ça fait une moyenne de 6,33, donc bah, 2 tiers. Bien, voilà. On sait qu'on aura un deuxième Wonder Woman par Patty Jenkins, encore? Non, c'est pas officiel. Elle n'a pas signé officiellement. Ouais, elle a pas signé. Ouais, mais bon, c'est ce qui circule en tout cas. Hein. Est-ce que Mais... vous en avez envie d'abord? Et qu'est-ce que vous voulez y voir? Wow. Bah moi j'aimerais bien voir je sais pas. En fait, je vais attendre de voir Justice League, voir comment les personnages évoluent. Là, comme ça, un affrontement avec Cheetah, ce serait le truc le plus évident. Voilà. J'ai pas spécialement d'attente du personnage. Je pense que Justice League permettra de préciser un petit peu les attentes, surtout les ambitions du studio. Maintenant, j'ai pas grand-chose. J'en attends pas grand-chose. Arnaud? Bon, pareil, j'attends pas grand-chose. Peut-être pareil que quelque chose de qu'un film, peut-être pas un film qui se passe si loin dans le passé ou s'il se passe de nos jours, mais qui soit aussi un petit peu en décalage par rapport au reste de l'univers. Donc de là à voir un autre film historique entre guillemets, je sais pas, mais quelque chose d'un peu écarté aussi. Ou alors tu vois Wonder Woman qui gère le Louvre pendant 2 heures. Ouais, tu fais une visite Voilà. guidée. Et ça se trouve, elle a un crossover avec Belphégor. Tu fais une Avec petite visite guidée. truc Une petite d'enfer. visite guidée et devant certains tableaux, elle te raconte un peu Elle se ce qu'elle a dit, vécu. Voilà, ce qu'elle a la vu. Joconde a été volée et elle doit mener l'enquête. Ouais, donc là, ouais, super. Oh, Par la Panthère rouge. ça fait rêver. Oh, non, moi je suis chaud pour un deuxième. Je suis chaud pour un deuxième. Mais par contre, moi ce que je veux voir, bah, c'est le délire Azzarello avec le Panthéon, On avec l'aura, tout ça tu et l'auras machin. jamais ça. Alors Non, évidemment, on t'introduit tout le côté mythologique pour te dire 5 minutes après que tous les dieux sont morts. Ouais, bah écoute, bah merde quoi. Sauf que on apprend quand même que soi-disant elle est née de la glaise, mais en fait c'est la fille de Zeus. Voilà, la vraie fille de Zeus, dans ce cas Azzarello nous avait posé. Et ça m'a fait plaisir. Donc si on lui a menti sur ça, est-ce qu'on lui a pas menti sur le reste et que le Panthéon n'est pas quand même quelque part? Ouais. Ils peuvent trouver un moyen de les ramener. Voilà. Puisque faut pas lui dire la vérité, nous dit Hippolyte, faut pas lui dire la vérité, faut pas qu'elle sache la vérité, nanani nanana. Ok, bien. Et ben c'est la vraie fille de Zeus. Et en fait, ils sont encore tous là quelque part. Voilà, il y avait Arès qui s'était mis un petit peu, qui s'était mêlé aux humains, mais peut-être que les autres aussi. Oui, on dit oui. On dit oui. Mais bon, on a déjà eu le coup du dieu qui se cache parmi les autres. Bah, qu'elle parte à la recherche de son père, ça pourrait être sympa quand même. Mmh. Avec Ella et tout ça, et pas mal de choses. Voilà, coucou, coucou Brian Azzarello, quoi, tout simplement. Allez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce film et pour cette émission. Du coup, que je couperai peut-être en deux au montage, vous l'aurez découvert, vous auditeurs. Je me pose seulement la question pour le moment. Bonne lecture, bon cinéma et à bientôt. Salut. À ciao, bonsoir. Oh, dis donc. Retour en 1990. Léo, tu souhaitais nous faire un petit topo sur le FCBD, tous les titres que tu as pu lire, etc. Qu'est-ce que tu retiens surtout de positif, ou alors qu'est-ce que tu as trouvé complètement nul? Vas-y. J'ai lu pas mal de choses selon un peu mon intérêt, et puis trouvé quelques trucs auxquels j'étais pas habitué, ou même que je connaissais pas du tout. J'ai donc parcouru un peu le FCBD, et donc il y a pas une grosse tendance qui se dégage, mais il y en a en effet que j'ai plus apprécié que d'autres. Je garde les deux sur lesquels je suis moins spécialiste pour après, et surtout que je sais que vous en parlerez, parce que c'est un truc qui a beaucoup plu à toi Mathieu, moins à Anthony. Je pense. Alors vas-y. Je vais faire des petits topos basiquement sur ce que j'ai lu. Pour commencer, dans le FCBD, il y avait un petit truc sur Doctor Strange qui a été sorti par Panini et qui n'a aucun intérêt pour celui qui a vu le film. On est d'accord. Voilà, ça n'a strictement aucun intérêt. C'est une comicsification des origines du Docteur. Ça va, ça se lit en 3 secondes, surtout si tu sais un petit peu les événements qui s'y passent. Moi, puis de mémoire, il est même pas beau en plus. Hein, donc... C'est même pas spécialement beau en effet. C'est assez basique, enfin, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de fou. Enfin, je veux dire, ils ont pris une gueule classique pour le docteur, c'est assez bien foutu. Projection astrale, ça, bon, c'est cool, mais on s'en fout, quoi. Donc next. Ensuite, on en parlera un peu plus tard, j'imagine, mais alors là, également, au rayon origine et au rayon relié au cinéma, Wonder Woman par Urban, qui s'appelle donc Wonder Woman année 1, avec Greg Rucka à la manette, notamment. Et là aussi, en fait, c'est, pour peu qu'on s'y connaisse un petit peu, c'est une nouvelle mini-adaptation des origines, quoi. Ouais, on en parlera en toute fin d'émission du recueil, enfin du tome librairie qui est lié à ça. Donc voilà, donc vous en parlerez encore mieux que moi. Ensuite, je suis tombé sur un ovni, pour continuer dans le petit rayon cinéma, je suis tombé sur un espèce d'ovni qui, pour ceux qui ont vu le film, seront assez peut-être interloqués. C'est Kaiser Soze, Scorched Earth. Je savais pas qu'il y avait un comics sur Kaiser Soze. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est le personnage, enfin, c'est le méchant principal de Usual Suspects, le film de Bryan Singer. C'est, enfin, le film était quand même un super, enfin, était quand même assez, assez fou. Et découvrir un comics dessus, c'était bon. Et ma foi, j'avais peur que ce soit. Alors, il y a aussi une mini histoire, un autre truc qui s'appelle The Rift qui est à côté, mais qui m'a pas laissé, franchement, qui m'a pas ébloui, je vais y arriver. Sinon, Kaiser Soze, bah c'est sympathique, c'est-à-dire ça reprend vraiment l'ambiance très dark, très polar, thriller du film, avec cette fois un petit truc en plus, un espèce de bonbon en fait, pour ceux qui auraient voulu quelque chose en plus sur un des méchants les plus iconiques de l'histoire du cinéma. Il avait été classé en tant que tel dans la fameuse liste des 50 plus grands méchants là par l'AFI. Voilà, enfin c'est sympathique, c'est un espèce de cadeau. Alors après, je me suis pas renseigné, je sais pas si c'est un épiphénomène ou s'il y a juste un peu plus, s'il y a des vrais comics entiers sur Kaiser Soze. Je sais pas trop, mais en tout cas l'idée était casse-gueule et finalement bah à la lecture de ce petit comics, bah, c'était plutôt sympa. Ensuite, alors vous l'avez peut-être lu, il y a eu un nouveau Batman qui est sorti, c'était un DC Universe Rebirth. Un Batman assez sympathique. Je sais pas si vous l'avez lu, Mathieu, Anthony, non? Quoi, en FCBD? Oui, il y avait un Batman FCBD. Ou alors je me T'es sûr trompe. de ça? Ah oui, je pense que tu te trompes, oui. Ah, je me trompe. Ah non, mais c'est parce qu'en fait, je l'ai récupéré en même temps que les FCBD. Du coup, Ah, j'ai pensé que c'est. ils te l'ont filé, du coup. Ah bah d'accord, bon bah next alors. On en verra pour un autre moment. Par contre, ça, ce dont je suis sûr que toi au moins tu as lu Mathieu, c'est Docteur Aphra Ouais. de Free Comics Star Wars. Anthony l'a lu aussi, je crois, on en a parlé. Ouais, ouais, ouais, je l'ai lu. Bah voilà, c'est-à-dire qu'il se concentre sur un personnage pas secondaire, mais qui n'est pas connu, enfin c'est pas un personnage iconique. Ils font intervenir des droïdes assassins, des Wookiees. C'était sympathique comme petite histoire, j'ai trouvé. Enfin, c'était c'est marrant. Enfin, j'aime bien leur scénarisation avec notamment l'écran titre Star Wars qui arrive au bout de 2 pages en mode un peu film, etc. Moi, j'ai trouvé ça assez cool. Mais après l'histoire, voilà. Enfin, l'histoire est sympa. Peut-être y Bah, retourner à un moment. Vas-y un si, peu. juste moi aussi je peux mon petit commentaire. Ouais, Moi j'ai trouvé ça vas-y. plutôt très bon. Enfin plutôt très bon, plutôt bon. En fait, ce que j'aime bien, c'est que comme ça traite pas de personnages dont on connaît déjà la destinée, on est un petit peu plus sur les nerfs, quoi. On est dans l'attente de ce qui va lui arriver. Et du coup, je trouve que la lecture est bien plus appréciable là où quand on va suivre des Luke Skywalker et des Han Solo. Comme on dit, la tension dramatique est un petit peu moindre, puisque même si il va se faire tirer dessus, on sait que bah il va dévier le tir ou quelque chose comme ça. Donc je trouve que là ça marche mieux. Voilà. Ouais, potentiellement on peut être surpris, c'est vrai. Et puis elle fonctionne bien avec son tandem de droïdes là. Moi je les aime bien les trois. Enfin, c'est un trio sympa. Voilà, ça fonctionne peut-être mieux que dans Dark Vador, dans la série Darth Vader, voilà, où elle était. Ouais, ouais, Voilà. Donc ouais. voilà, c'est dispo en kiosque le Star Wars numéro 1, parce que oui, Star Wars Magazine, le kiosque a été relaunché aussi. Il est sorti avec les deux premiers numéros, je crois, d'Afra dedans. Voilà, dans un contexte où Star Wars revient un peu à la mode avec les spin-offs et les nouveaux épisodes, c'est sympa d'avoir un truc un peu qui se dégage et qui offre une espèce d'autre petite exploration Star Wars, quoi, parce que ça pourrait être et ça l'est un peu hein, de truc un peu promotionnel histoire que tout l'univers Star Wars soit relaunché pour quand même pour surfer sur la vague, etc. Mais en soi, c'est plutôt une histoire assez sympathique, j'ai trouvé. Ensuite, c'est mon moment fanboy. Doctor Who, les Four Doctors. Bah, j'étais content. Je vais pas me mentir. Je vais pas être très objectif, mais alors, par contre, ce qui me gêne, il y a une chose qui m'a gêné, c'est les dessins. À part Peter Capaldi, j'ai trouvé qu'ils étaient assez mal faits. Je sais pas ce que tu en as pensé, Oui, Mathieu. c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Puis c'est pas super intéressant non plus, enfin voilà. Bon, voilà. Mais bon, après, c'est une petite histoire, enfin voilà, qui n'a pas. Il n'y a pas une importance capitale, mais bon, c'est sympa, ça fait intervenir les quatre docteurs, c'est mignon, etc. Mais bon, il y a zéro suspense, il y a zéro tension, c'est juste une histoire, c'est juste le docteur qui raconte un souvenir, donc ça n'a pas une importance, ça n'a pas un intérêt fou. C'est juste que bah, ça permet aussi de mettre un peu Bill aussi en version comics, vu qu'elle vient d'être instaurée dans la saison 10. Et puis donc, en effet, les dessins sont dégueulasses, ça c'est juste le gros défaut. Mais bon, après, voilà, c'est mignon, j'espère juste que tant qu'à faire un si gros crossover comme ça, eh ben, j'espère que la suite au moins sera donc L'intérêt, là. c'est que c'est sorti le même jour en VO et en VF, donc voilà. Mais sinon, voilà. Voilà, au-delà de ça. Bon. Et puis sinon, je suis passé vite fait sur d'autres trucs où je suis moins compétent parce que je m'y connais moins. Power Rangers Pink. de chez Glénat, bah parce qu'en fait j'ai récupéré d'autres DVD sur au passage, qui est sympathique. En tout cas, moi, mes souvenirs Power Rangers sont assez vieux et je suis moins, je suis, bah voilà, il y a longtemps que j'ai pas tout suivi. Enfin, c'est mignon, c'est plein de roses et En même temps, c'est Pink. voilà et c'est tout. Enfin, moi, ça m'a juste fait ça, mais bon, c'était voilà. Enfin, en fait, c'est le genre de petits trucs sympas sur un Power Rangers, un Ouais, truc c'est le bien. premier numéro de la série qui va sortir à la rentrée chez Glénat en relié. Enfin, clairement, un premier numéro qui annonce une série, voilà, sans surprise, quoi. Voilà, Vous c'est voulez du ça. Power Rangers Rose, vous aurez du Power Rangers Rose, et puis on sait très bien ce qui va se passer. Et c'est voilà. Exactement, c'est ça. C'est un mini espèce de petit spin-off sur un Power Rangers. C'est mignon, c'est sympa. Voilà, bon. Et puis là, j'en appelle à toi aussi, Mathieu. I hate Image. Voilà, la pépite de ce FCBD 2017. Ah oui. Voilà, Clairement. Gertrude, voilà, je pense qu'on peut résumer à ça. C'est quand même très marrant. Alors, j'avoue, enfin, je m'étais intéressé au personnage après comment dire, nos Infinite Wars de l'année dernière, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et du coup, j'avais un petit peu regardé après ça. Puis là, j'ai vu ça, bah, à l'occasion du FCBD. C'est tellement, enfin, c'est tellement drôle. Enfin, c'est fun, c'est débordant à souhait. Enfin, c'est débordant de trucs cool, quoi. Et le Bah, personnage de tout, Gertrude est tout génial. image est référencé, c'est ouais, Voilà. c'est assez incroyable. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, qui auraient peut-être moyen encore de se le procurer, de toute façon c'est gratuit normalement sur Comixology, je crois, hein, tous les FCBD. Bah, en gros, Gertrude pète un câble et se Ah décide oui. de se mettre en quête des patrons de chez Image pour les buter tout simplement et peut-être enfin retrouver sa liberté. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi quand on est un personnage avec conscient un petit peu de tout Ah, ce qui c'est est ça. méta, etc. Donc voilà, et ça permet de traverser tous les univers de Image, de Walking Dead, en passant par Tony Chu, par enfin, il y a tellement de choses. Tout est là presque. C'est un vrai condensé de plein de trucs. C'est drôle comme c'est pas permis. Enfin, Petite briser le pensée pour calcium. Anthony au moment de la page, le Weekend Divine. Oui, c'est bien, il les défonce tous, c'est très bien. Voilà. Et puis il m'en reste deux. Alors, le truc un peu genre improbable, c'est le truc Animosity American Monster là, Ah, qui je l'ai sort. pas lu ça, putain. Le snorgleux, ouais. Voilà. Bah autant le truc sur Animosity, j'ai plutôt bien. Enfin, c'est très trash, c'est très assumé trash d'ailleurs. Le truc, c'est le réveil des animaux qui disent bon bah les humains, vous êtes assez foutus de notre gueule maintenant, c'est nous qui reprenons le pouvoir. Il y a un truc touchant avec le chien là et Jesse. Y a voilà et puis ça fait une nouvelle manière de voir le monde mis au supplice. Et puis ça répond à un certain fantasme aussi qui dit si jamais les animaux pouvaient nous entendre et si les animaux prenaient leur revanche et si nous jetaient la gueule. Enfin, c'est j'ai trouvé ça voilà le trash assumé, le petit combat d'ailleurs entre le chien et le tigre. Enfin, j'ai trouvé ça voilà dans cette manière d'assumer était vraiment bien. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, le American Monsters, bah franchement, là aussi, enfin c'est très noir, bon c'est du Lazzarello, mais c'est assez noir surtout avec un personnage principal entre guillemets là, l'homme rouge là qui est un ancien vétéran et qui envoie chier absolument tout le monde. C'est un truc un peu, enfin ça se déroule vraiment dans un univers poisseux et clairement où on t'enlève tes repères et on te dit voilà il y a rien de. Tout le monde se met sur la gueule sans quand même une mesure. Enfin, il y a des règlements de compte. Bon, enfin, cela dit, ça reste qu'un aperçu hein, de ce que cette histoire pourra nous donner. Il y a beaucoup de petits trucs qui sont annoncés, qui sont introduits. Il faudrait voir la suite pour voir un petit peu l'ampleur de ce truc un peu, enfin, de ce vrai polar qui est là. Voir un petit peu voilà qui est cet homme rouge enfin qui était ça cet homme à la tête rouge qui est enfin pourquoi c'est des gens font un espèce de jeu macabre en plein milieu d'un champ enfin voilà je pense que là on en voit vraiment rien donc il faudrait voir un peu la suite mais sinon c'est plutôt Animosity qui m'a laissé un peu curieux de voir comment ils allaient développer une histoire sans tomber non plus dans un espèce de gros cliché ou quoi que ce soit je sais pas si Mathieu t'en as quelque chose. Moi, Animosity m'a bien plu aussi, mais de là à aller acheter un tome complet, je sais pas. Et American Monster, je suis passé complètement à côté, clairement. Il n'y a rien, Voilà, quoi. Enfin, c'est soit il dommage. fallait rien nous donner, soit il fallait nous en donner plus, mais là, avec sur la fois de cet épisode, moi, j'ai pas envie de continuer. Enfin, il n'y a rien Ah, qui m'a accroché, il n'y a pas de questions qui m'ont été posées de manière assez intrigante pour que j'ai envie d'avoir des réponses. C'est un semblant de début d'installation. Donc oui, bah évidemment, Reylo, il a écrit ça pour faire tout un premier arc pour installer, etc. Et offrir le premier numéro à FCBD, je suis pas sûr que ce soit le bon plan pour ce type de série-là. Du coup, moi, je suis pas... Surtout dans un mash-up, quoi. Enfin, Voilà, moi, je suis passé je à vois pas côté, surtout. du coup, et je sais pas si je me laisserai tenter par le premier tome, parce que du coup, bah, je me suis même un peu ennuyé, quoi, sur ce premier numéro, donc... C'est-à-dire que sur la foi de Azzarello, c'est un peu léger, quoi. Et puis, vraiment, je ne comprends pas l'intérêt du mash-up, en fait. Je vois pas ce qui peut relier ces histoires pour faire un truc. J'ai pas trop. Même si Animosity est bien et même si American Monster peut receler des bonnes choses, je vois pas trop en gros l'intérêt. C'est un peu dommage, quoi. Ils se sont peut-être grillés, quoi. Bon. Non, enfin, voilà, les deux peuvent survivre de toute façon de manière indépendante, c'est moi aussi. Mais ouais, non. Autant j'étais hyper hypé avant parce que c'est quand même les titres Aftershock qui arrivent, etc. Et puis bah après la lecture, je me suis dit, ah ouais, c'est ça en fait. Bon, c'est bien, c'était gratuit. C'est ça, c'est un peu ça. Et Donc on verra puis au moment de la pour sortie si finir, Valis est bien. Et puis pour finir, j'imagine, ce sera le Bliss Comics. Bliss Comics, du FCBD, Dans la toile du Docteur Silk. dans la toile du Docteur Silk, donc avec le retour de Ninjak et de l'équipe Unity contre le Docteur Silk, pardon, qui veut, putain, et qui veut un petit peu emmerder le monde avec enfin, qui. Toujours ce qui m'a frappé par rapport à l'autre chose de Bliss là, que j'ai lu, qui était le Valiant, c'est vraiment cette thématique de l'immortalité et donc de celui de, enfin, voilà, de rester, de persister et de vaincre aussi grâce à ça. Et alors, le grand avantage, c'est que quand même, enfin, ça, c'est quand même. Vous me dites si je me trompe, mais Bliss, c'est assez récent comme boîte, c'est ça? Ah non. Voilà, Ah c'est ouais, c'est ça. un an. Alors, un an d'existence et les mecs filent 70 pages de FCBD. Oui, c'est un TPB, ouais. Voilà, donc enfin, ça, je trouve ça quand même fou. Ils nous donnent une histoire complète, alors que bah, dans les autres comics que j'ai pu citer, bah, tu restes un peu sur ta faim parce ça renvoie toujours vers autre chose. Là, tu peux aller vers l'univers, c'est sûr, mais pas vers une histoire en particulier. C'est ça qui est assez généreux dans cette histoire. C'est une histoire aussi qui est faite pour être accessible à tous. Même si, bon, si on veut comprendre les subtilités, eh ben, il faudra. Disons qu'avec Hate Image, c'est les deux que j'ai préférés, dans le sens où ce ne sont pas de simples previews de choses qu'on va voir bientôt. Hate Image, c'est une histoire standalone qu'on n'aura sans doute jamais publiée ailleurs. C'est le seul moyen de la voir, c'est ça. Et c'est en plus génial. La toile du Dr. Silk, le FCBD de Bliss, c'est pareil. C'est une histoire complète qui ne nécessite pas de connaissances particulières de l'univers Valiant. 70 pages en plus, donc c'est un vrai TP qu'on ne retrouvera a priori pas en librairie, sauf si un jour il nous sortait une intégrale de Unity. Ben Mais voilà, sinon, ça c'est ne ça. ressortira pas, c'est pas de la simple preview de quelque chose qui va arriver. Et C'est j'aime ça. bien quand ce petit effort est fait pour le FCBD. Surtout, voilà, il y a quelques références, mais en soi, chacun peut comprendre, chacun peut entrer dans l'histoire et chacun peut se retrouver concerné par ce qui est dit, quoi. Et puis bon, moi, je suis fan vraiment de leur manière de dessiner. Je trouve que c'est quand même à la fois un truc qui fait réaliste, mais à la fois, enfin, tu sens que t'es pas exactement dans un monde. Dans un truc non plus ultra léché, de toute façon, vous venez juste face à la réalité, quoi. Il y a un truc, voilà, plus bon, les quatre membres enfin, tous les membres de l'équipe sont quand même aussi fascinants les uns que les autres, avec chacun leur personnalité. Moi, j'aime bien le guerrier immortel, personnellement, mais ça, c'est peut-être le reflux de The Valiant aussi, où le personnage m'avait vraiment plu. Enfin, un mec, comment dire, animé par des idéaux et par quelque chose qui continue, qui persévère, qui hésite à mettre les mains dans le cambouis. Ça, j'ai vraiment aimé, quoi. Enfin, je m'identifie pas mal à celui-là, mais ça n'enlève rien ni à Ninjak, ni aux autres. L'histoire est extrêmement intéressante, elle soulève plein de thématiques, autant sur le plan informatique, cybernétique, sur la thématique de l'immortalité. C'est jamais débile, c'est jamais complètement facile. Il y a des combats qui sont vraiment très bien foutus. Enfin, voilà, c'est une histoire qui est cool, qui est sympa à suivre. C'est 70 pages, c'est cadeau, c'est plus qu'un bonbon, c'est vraiment pour les fans, quoi. Et vraiment, c'est agréable, c'est, on dirait, un bon épisode de série, ou un bon moyen métrage. Enfin, Je trouve le concept vraiment bien mené de bout en bout. Le méchant est très, enfin, est vraiment intéressant par ses multiples facettes, ses multiples personnalités, enfin, tout ce qui peut engager pour mettre à mal l'équipe Unity. Voilà, moi je recommande. Alors, je sais pas s'il sera accessible après le FCBD. Enfin, j'imagine que non. A J'imagine que priori, non, sauf en voilà. cas de sortie d'une intégrale Unity. Voilà, donc si on l'a loupé, c'est dommage parce que bah ça fait un peu un petit collector quoi pour le coup. Et Bah, bah c'est aussi le côté, enfin, le FCBD a aussi normalement ce côté un peu collector, c'est des choses voilà, c'est que ça. tu retrouves pas forcément après. Donc Voilà, c'est ça. Et donc c'est cool d'avoir un collector plein entier, quoi, comme tu l'as dit, qui ne soit pas juste une preview, qui soit aussi un truc en soi. Moi je valide définitivement Valiant quoi, comme univers quoi. Il y a un moment il va vraiment falloir que je continue à développer ce que je n'ai pas encore vu dans l'univers. Donc voilà pour ma petite revue FCBD. En gros, ce qu'il faut garder, c'est Valiant, c'est sûr. I Hate Image, t'as raison. Doctor Who, pour les fans, c'est sûr que c'est bien, même si ça renvoie vers autre chose, même si les dessins sont dégueulasses. Ça reste sympathique pour un fan de Doctor Who. Le Star Wars, Docteur Aphra est pas mal aussi, mais il faut voilà, il faut accrocher. Mais comme on l'a dit, enfin la manière de faire est plutôt bien faite pour ça, et ça permet pour les fans de l'univers Star Wars ou même pour certains novices de se développer vers autre chose. Autrement, il n'y a pas. Et puis Kaiser Soze, mais ça c'est vraiment pour les cinéphiles. Mais je autrement, il sais n'y a pas où pas t'es allé grand-chose. pêcher ça, franchement. Mais je te jure Non, que non, c'est mais vrai. Hein, oui, très bien. je t'envoie la photo. Moi, j'ai été le premier surpris aussi de voir ça dans la boutique de comics, etc. Donc voilà, Par contre, tu fais énormément de bruit, tu dois frotter ton micro, je ne sais quoi, mais ça fait beaucoup de bruit. Voilà, pardon. Donc voilà pour une petite revue du FCBD. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose sur Valiant, notamment. Avant de faire la transition justement sur l'univers Valiant, Anthony, si tu as lu ce Unity de Bliss, tu peux en dire deux mots et puis tu passeras sur Bloodshot Reborn tome 4 juste après. D'accord. C'est assez lointain maintenant. J'en ai pas un souvenir gravé. C'était agréable à la lecture. Maintenant, ouais, je sais Oui, pas. tu t'en fous. Je trouve que cette équipe Unity fonctionne pas encore très bien. Alors, je sais pas si ce petit TPB se place au milieu, enfin, par rapport à la série, plutôt au milieu, plutôt à la fin. Mais je trouve que la cohésion était pas dingue. Le méchant, c'est un méchant qu'on retrouvait dans Rai d'ailleurs, non? Il me semble, oui. Oui, bah ouais, je l'ai préféré dans Rai. Non, par contre, oui, c'est très généreux d'un point de vue édition. Et c'est largement. Enfin, c'est à faire remarquer. Et j'espère qu'ils continueront sur cette lancée-là. Maintenant, en soi, la qualité du truc, moi, j'ai pas trouvé ça incroyable. Voilà, je suis à peu près le même avis. Voilà.